Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Celluloïd numéro 2, l'émission qui vous parle d'animation en long, en large et en travers. Alors, pour m'accompagner dans cette nouvelle émission, donc je vous présente mes acolytes qui sont les mêmes que lors de la première émission, à savoir Tuntun, bonsoir Tuntun. Bonjour, bonsoir, salut. Et Chronos également. Bonsoir. Eh bien, on va vous parler, alors on va faire d'abord la partie news, on va revenir ensuite sur différentes critiques d'animation. Avant de vous parler de notre dossier important, donc du dossier de l'émission, à savoir la retraite d'Hayao Miyazaki. Alors pour commencer, on va commencer tout de suite avec les news. Et la première news qui nous concerne, c'est une news musicale, puisque ça concerne Pixar, qui sera en concert le 22 juin 2014 au Palais des Congrès de Paris. Alors, faut savoir que le Symphonia Pop Orchestra est en tournée à travers le monde depuis plusieurs années et qu'il posera pour la première fois ses valises en France le 22 juin donc 2014 au Palais des Congrès de Paris. Au programme, donc, des musiques issues de 13 films de Pixar, donc jusqu'à Rebelle, qui seront joués en live par l'orchestre et illustrées par des images de films, des différents films d'ailleurs, sur un écran géant. Alors, est-ce que vous, ça vous donne envie d'y aller? Bah, évidemment, ouais. Enfin, ouais, pour ma part, ouais, parce que les musiques Pixar, souvent de très bonnes musiques, et puis c'est vrai que voir un orchestre les jouer, ça donne une autre dimension, généralement, à ce genre de musique, quoi. C'est des projets qui sont de plus en plus courants entre les ciné-concerts comme le Seigneur des Anneaux ou les musiques de John Williams. Il y a pas mal de choses comme ça qui seront. C'est, et vrai. C'est vrai que Pixar, pourquoi pas. Il y a vraiment de très belles musiques. Je pense aux Indestructibles. Il y a vraiment des chouettes compositions. Donc, avoir ça avec un orchestre, c'est tentant. Et puis accompagné des images aussi, ça peut être sympa, quoi. Ouais. Et surtout, ouais, entendre la musique avec un orchestre, ça change forcément la perception. Surtout si ce sera, à mon avis, des scènes qui seront bien spécifiques. Je ne sais pas si c'est des scènes ou si c'est un medley d'images. Je ne sais pas exactement. À mon avis, ça sera, si c'est comme ceux que j'ai vus, parce que c'est le Palais des Congrès, donc j'ai déjà fait des choses comme ça, comme la vidéo Games Live qui a eu là-bas. À mon avis, ça sera des montages ou des choses comme ça. Ouais. Je pense pas que ce sera des scènes particulières, sinon c'est un peu compliqué à gérer. Et surtout que, ouais, enfin, t'as pas les dialogues, vu que t'as la musique en live. Ouais, c'est ça. Et puis généralement, une musique, ça fait pas toute la scène. Ah bah non. Donc ça paraît difficile de couper en plein milieu d'une scène ou bah, sauf si c'est un ciné-concert, là, effectivement, il y a des dialogues, mais sinon, là, à mon avis, ça sera juste un montage. Ouais, je pense aussi. Alors, Pixar est toujours au cœur de l'information, cette fois pour une nouvelle assez assez triste, puisque Disney a décidé de fermer la division canadienne de Pixar, qui a été ouverte en 2010 du côté de Vancouver. Et donc cette division avait vocation davantage à réaliser des courts-métrages dérivés des films d'animation Pixar. Alors, ça pouvait être des courts-métrages, mais également des dessins animés prévus pour les parcs d'attractions. Donc l'annonce a été faite le 9 octobre dernier, alors avec effet immédiat, c'est-à-dire qu'ils ont été prévenus la veille pour le lendemain que la division allait fermer. Et donc il y a des différentes news qui n'allaient pas forcément dans le même sens concernant le futur, le devenir des salariés, à savoir certaines qui parlaient d'un licenciement sec, tandis que d'autres évoquaient davantage le rapatriement des salariés vers la maison mère, hein, donc Pixar en Californie à Emeryville. Alors, la raison évoquée par Disney, c'était donc notamment le souhait de recentrer les activités au sein d'un même pôle, mais ça viendrait aussi du fait qu'il y a une augmentation qui serait prévue au niveau des taxes canadiennes, ce qui n'est absolument pas du goût des entreprises en général et Disney en particulier. Surtout qu'à la base, ils ont dû s'installer là-bas à cause des taxes. Voilà. Voilà, parce qu'on sait qu'il y a certains avantages fiscaux et du coup ils sont certainement installés là-bas pour ça et s'ils ont plus ces avantages, ils ont plus d'intérêt à avoir une filière là-bas. Après, de ce que j'ai vu, en fait, il y a eu une augmentation des impôts sur les sociétés justement en 2014, mais l'augmentation est vraiment très faible. Je crois que ça passe de 10 à 11%, quelque chose comme ça. Donc c'est pas forcément ça qui va Ouais, justifier la c'est peut-être pas. décision, mais il y a peut-être une histoire de crédit d'impôt aussi. Ils ont peut-être fait un deal spécifique en fait avec Pixar, et peut-être que justement ça a été mis à terme, et du coup ils ont dû recentrer ça. Et je crois que par contre les employés ont vraiment été licenciés. Il y a eu des histoires comme quoi effectivement ils seraient rapatriés vers Pixar de Californie, mais peut-être qu'il y a des superviseurs ou des choses comme ça qui ont été gardés, mais je crois que la majorité ont été vraiment licenciés, donc c'est un peu triste. Mais c'est vrai que ça s'est fait un peu de façon, enfin des retours qu'on en a, parce que c'est quand même assez flou tout ça. Ouais. Des retours qu'on en a, c'est quand même, ça s'est fait de manière très abrupte. Ouais, mais Et personne n'a vraiment d'explication, en fait, c'est ça qui est assez étrange. C'est vraiment fait du jour au lendemain, et c'est vraiment dommage, quoi. ouais, surtout que, enfin, le studio était très jeune, quoi, donc Ah ben là, ils à avaient peine 3 ans, ouais. 3 ans, quoi. Pour une centaine de salariés au final sur la filiale quoi, sur la branche canadienne. Le temps de faire quelques courts-métrages, et pourtant la qualité était bien là, donc c'est assez étrange comme décision. J'explique pas vraiment cette décision qu'on verra après. Ce qui en sera pour bah après ça n'empêchera pas en tout cas Pixar de continuer cette politique de courts-métrages à mon avis tirer des films d'animation Non, qu'ils développent eux-mêmes. plus que jamais, ils vont continuer, hein. Voilà. Alors on part de Californie, on arrive directement au Japon, puisqu'on va évoquer les prochains films annoncés chez Ghibli. Car en effet, on sait déjà que le prochain film est le dernier film de Miyazaki, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc le titre français, Si le vent se lève, il faut tenter de vivre, est prévu pour sortir le 22 janvier prochain, donc 2014 en France. Et il a été repoussé d'une semaine, si à la base il était prévu pour le 15. Et du coup, on sait un peu plus déjà, alors également pour le prochain film d'Hisao Takahata, puisque les deux films étaient en production au même moment, en même temps. Donc le titre français, c'est Le Conte de la Princesse Kaguya. On sait qu'il donc j'ai on n'a pas encore de date de sortie pour la France, mais il va sortir donc le 23 novembre prochain au Japon. Donc on imagine une sortie sur 2014. Deux autres projets ont été dévoilés. Ils ont pas vraiment été dévoilés, c'est plus des rumeurs en fait, D'accord. pour l'instant. Donc les rumeurs ont dévoilé. Donc un premier projet du réalisateur d'Arrietty, le petit monde des chapardeurs, donc Yoshiaki Nishimura. Donc le projet portera le nom de Rojo no Ito, prévu également pour 2014. Donc on est vraiment sur des délais de production, en tout cas des sorties très proches entre les films. Et la nouveauté, c'est que cette fois il sera tout seul à la réalisation. Je te coupe deux secondes. En fait, c'est Nishimura, c'est le producteur. D'accord. Et c'est Hiromosa Yonebashi qui a réalisé Arrietty et qui serait réalisateur sur celui-là. Et juste de Nishimura, d'ailleurs, c'est le producteur de Kaguya Hime, donc le nouveau film de Takahata. Et c'est le premier film qui est produit qui n'est pas produit par Toshio Suzuki depuis, je crois, un peu plus d'une vingtaine d'années. Parce qu'il est de l'aventure, donc c'est le producteur de chez Ghibli, il est de l'aventure depuis le début, Oui, si je me trompe c'est pas, le troisième homme du de studio. Ghibli. C'était le premier dirigeant, et c'est le producteur de quasiment tous les films Ghibli. Qui est plus discret du coup, parce qu'on n'entend pas autant que Oui. Takahata ou Miyazaki. Oui, mais qui a sorti un certain nombre de bouquins sur le studio et sur la manière de faire un film qui sera aussi très important dans le prochain documentaire. Il y aura un documentaire sur les coulisses du studio qui est prévu pour 2014, je crois. Et vraiment, ils mettront l'accent sur ces trois hommes-là, quoi, qui sont vraiment. C'est vrai qu'on en parle moins, mais Suzuki est aussi très important, et on en reparlera certainement tout à l'heure. Mais c'est aussi, ça montre aussi qu'il y a un désir de changer les choses chez Ghibli, c'est que justement, donc, il produit pas le prochain Takahata. Donc dernière rumeur, dernière information. Donc ça concerne cette fois le fils de Hayao Miyazaki, donc Gorō Miyazaki, qui travaillerait sur un nouveau projet au sein du studio Ghibli. Alors au niveau des dates, ce serait prévu pour sur la période 2014-2015. Et il semblerait que l'histoire, ce soit donc alors de façon la ligne de façon comment dire en résumé. C'est que l'histoire serait l'histoire de samouraï dont l'action se passerait dans la région nord-est du Tohoku. Donc pour vous, si vous visualisez la carte du Japon, c'est en fait le nord-est de l'île principale du Japon, c'est-à-dire Honshu. Et donc ce serait le troisième film de Gorō Miyazaki, après Les Contes de terre-mère et La colline au coquelicot. Tout à Ça fait. vous parle ou ça vous donne Bah, envie? ça peut être sympa, un Shambara chez Ghibli, ça peut être pas mal, ça peut changer, Ça change, ouais. ça peut changer un peu les choses. Et puis certainement là avec cette retraite de Miyazaki père, peut-être que Miyazaki fils va prendre un petit peu plus son envol et va pouvoir se détacher un peu, ce qui n'était absolument pas le cas sur les deux précédents de son père, donc ça peut être une très bonne chose, ouais. Très bien, donc à suivre. De toute façon, on va en reparler également dans le dossier, dans le dossier du jour. Alors, on va partir, là, on voyage, on va changer encore de créneau horaire, de fuseau horaire, puisqu'on va partir cette fois en Irak, par rapport à la production d'un court-métrage, donc qui s'appelle La Nuit de Bagdad, qui est un court-métrage donc de 10 minutes réalisé par la réalisatrice irakienne Fouad Al-Jamil, et qui a pour ambition de transmettre la légende de Saloua, pardon, une sorte de père fouettard irakien, pour éviter que cette tradition orale ne disparaisse. C'est une version moderne et urbaine, tout entrelacée de cette légende que la réalisatrice présentera au Festival du film international de Dubaï en décembre. Alors ça fait partie des curiosités, un peu comme l'était le film sud-africain qu'on présentait dans la première émission. Donc là, un court-métrage irakien, c'est rare, en tout cas, je sais pas si c'est une première, mais... Bah, je sais pas si c'est une première, mais en tout cas c'est rare et c'est surtout l'intention, je trouve, qui est louable, qui est de comme tu l'as dit, une tradition orale à la base et qui tend à disparaître, notamment bah, avec tous les événements qui sont passés en Irak, etc. Et le faire par le biais de l'animation, ça peut être très sympa. Et puis après, il y a une histoire aussi, enfin derrière ce court-métrage qui était très difficile à réaliser. Je crois que ça fait 3 ans qu'ils sont dessus. Ils ont un budget de 250 000 euros, je crois. Ah, c'est très peu. Ce qui est très très faible, surtout pour bah voilà, il est tout en 3D et voilà, c'est pas évident. Apparemment, c'était vraiment très dur à faire, mais finalement, ils sont sur le point d'y arriver. Et je trouve ça très bien d'en parler. C'est une jolie chose de voir qu'en Irak, il y a aussi de l'animation et que c'est vraiment universel, quoi. Exactement. Alors, une date de sortie pour un film d'animation. Alors là, c'est dans plus d'un an, mais en tout cas, elle a été arrêtée cette fois-ci. Donc, c'est pour le prochain Astérix que l'on n'avait pas vu depuis un moment au cinéma. Donc, le prochain Astérix du nom de Astérix, le domaine des dieux, qui sortira donc le 26 novembre 2014. On attendait la date de sortie de l'adaptation pardon, en dessin animé du domaine des dieux. À savoir que le film est co-réalisé par Louis Clichy et Alexandre Astier, et donc il faudra attendre la fin de l'année prochaine pour le voir. On avait déjà eu quelques informations déjà par rapport au film, par rapport au casting des voix, qui avait l'air d'être assez important et assez ambitieux pour cette production. Je crois qu'ils ont récupéré la voix d'Astérix, il me Ouais, semble, Roger Carrel. qui avait été utilisée pour les fameux dessins animés de Gaumont. Mais après, par contre, c'est vrai qu'Alexandre Astier, il est vraiment juste au niveau de la direction d'acteur pour les doublages. C'est vraiment Louis Clichy qui réalise le film. Même Alexandre Astier l'a confirmé, parce qu'on va sûrement faire l'amalgame quand il sortira en France. Ils vont sûrement faire la promo dessus, mais il avait vraiment précisé que lui, il fait que la direction d'acteur et qu'il fait pas du tout tout ce qui est 3D, réalisation, etc. Donc, c'est principalement Louis Clichy qui s'occupe de ça. Exactement. Et d'ailleurs, on en parlait avec Chrono juste avant l'émission, mais Louis Clichy, Donc il a travaillé chez Cube notamment et chez Pixar un petit peu. En animation, ouais. Et il a fait un court métrage qui est vraiment super mais que je conseille à tout le monde d'aller voir. Et c'est l'amour, À quoi sert l'amour? À quoi sert l'amour, ouais. À Et quoi ça qui est sert vraiment très l'amour? très bon. À quoi ça sert l'amour, pardon. Qui est vraiment excellent. Bah très bien. Dernière petite news. Donc concernant, alors ça, là, on revient en France par rapport, alors sur l'animation japonaise, par rapport au un marché qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur, en tout cas qui voit ce nombre d'acteurs se multiplier. À savoir donc le marché du simulcast, c'est-à-dire que afin de contrer afin de contrer le piratage, les éditeurs ont décidé de proposer le plus rapidement possible des animés qui sortaient au Japon quelques jours après leur sortie en VOST FR, donc version originale sous-titrée français. Et donc il y a quand même une compétition qui se lance donc depuis notamment sur cette année. Il y a de nombreux acteurs qui commencent à sentir que le marché devient très intéressant. Et du coup il y a deux acteurs que l'on connaît, puisqu'il y a Cazéplay et Genzaï. Donc Genzaï c'est géré par Kana Home Video, et ils ont décidé en fait ces deux plateformes d'animation Le de streaming. fusionner pour devenir Anime Digital Network ou ADN, et qui a été lancé le 7 octobre dernier. Donc une façon aussi d'être peut-être plus fort par rapport à la concurrence qui va se présenter, qui est déjà présente, hein, je pense notamment à Docomo et à Crunchyroll aussi, surtout Ouais. qui va arriver très. Kiwakanim. Wakanim, ouais. Wakanim, mais si, tout à fait, ouais. Mais comme on va dire, les autres ont quand même je pense notamment à Docomo et Crunchyroll, ils ont l'expérience déjà de ce qu'ils ont fait sur d'autres marchés. Wakanim, c'est vrai qu'ils font quand même du bon travail aussi, même si eux sont partis de rien, on va dire, entre guillemets, mais qui commencent à vraiment avoir un bel écho par rapport aux belles licences qu'ils Ouais, proposent, quoi. c'est surtout ça, ouais. Que ce soit par rapport à l'attaque des Titans ou alors Kill la Kill, comme on en parlera tout à l'heure, dont on parlera tout à l'heure. Est-ce que vous-même vous êtes utilisateur de ces plateformes ou pas du tout? Wakanim. Wakanim, ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs. Après, le ADN a l'air pas mal parce qu'il y a pas mal de. Il y a un catalogue assez riche Ouais. de séries déjà sorties, donc c'est à Et voir. des films aussi. De films, ouais. J'ai vu qu'il y avait La Traversée du Temps notamment. Enfin voilà, c'est tout le catalogue, enfin une grosse partie du catalogue Kazé et Oui. Kana Home Video. Bah, Kazé plus que Kana, quoi, parce que Oui. Kazé a plus de. Mais bon, Kana a quand même certains titres. Je pense à Space Brothers dont on parle beaucoup en ce moment. Et qui ouais, ils ont quelques titres quand même qui sont vraiment pas mal Bah, même et ils ont. Naruto, le Hunter X Ouais, Hunter, Naruto la seconde Shippuden, il y a version. Hunter X Hunter, il y a pas mal de simulcast, de gros animés, on va dire. Et après, voilà, c'est une offre à abonnement, donc c'est un peu différent de ce que fait Wakanim, par exemple. Parce que Wakanim fait plus de la location d'épisodes ou de la vente d'épisodes. Alors que ADN, pardon, est plus basé sur un abonnement mensuel. Bah c'est de la SVOD en fait, comme Canal Play Ouais. ou des choses comme ça, quoi. Donc ouais, et puis il y a un truc aussi que j'ai beaucoup apprécié justement sur ADN par rapport à Genzai que j'avais testé. Auparavant justement pour voir Space Brothers. Genzai était basé sur Crunchyroll et je trouvais le lecteur vidéo enfin c'était horrible. Au niveau de la gestion de la HD c'était affreux, ça mettait 3 ans à charger, etc. Et alors que là le lecteur d'ADN a l'air vraiment très efficace, super rapide et vraiment en propre quoi, donc ça déjà c'est une très bonne chose. Oui, puis pour finir sur Wakanim, je crois que c'est un des seuls qui propose des simulcasts qui sont gratuits, En tout cas, pendant le premier mois, ils sont disponibles sur leur site, quoi. Ce qui permet de, bah, faut, y a, ils se payent, on va dire, avec la pub, hein, mais pour le coup, ça permet de profiter gratuitement de belles séries comme L'Attaque des Titans, notamment. Voilà donc sur cette news de fusion que se termine la partie news. Rapidement, je vais évoquer quand même le box-office. Alors pour le coup, on va vous dire que vous allez le voir tout à l'heure après au niveau des critiques, mais c'est assez maigre sur le mois d'octobre, hein, puisque les grosses sorties vont s'effectuer davantage sur novembre et sur décembre. Novembre avec la Toussaint, et puis décembre avec les fêtes de fin d'année notamment. Donc le box-office, on va retrouver trois films qu'on avait déjà évoqués dans la première émission. Là, on est plus sur une fin de cycle d'exploitation. Alors tout d'abord, on va évoquer le grand succès de l'été et même du début d'automne, c'est Moi, Moche et Méchant 2, puisque avec 11 semaines d'exploitation, ils ont atteint 4 400 000 entrées, ce qui est un excellent résultat. On retrouve également donc Monstre Academy sur la même période sur 11 semaines qui émerge à 2 millions d'entrées. Ce qui est plutôt faible. Ce qui est plutôt faible, oui, je pensais à ça par rapport au standard de chez Pixar. C'est pas vraiment ce qu'on attend d'eux. Mais voilà, Disney a sorti l'artillerie lourde depuis une semaine Sais pas si avec on peut vraiment dire ça, mais... oui. Avec Planes, le film dérivé de Cars, mais avec des avions, qui a atteint pour une semaine d'exploitation, la première semaine à 500 000 entrées, donc c'est un très très très bon démarrage pour le coup. Et donc on a, à mon avis, les chiffres vont encore augmenter avec les vacances de la Toussaint qui se profilent. Et donc on verra à ce moment-là, au mois de, pour l'émission du mois de novembre, ce qu'il en est sur cette période-là. Ensuite, ben, pour terminer, les Schtroumpfs 2 avec 8 semaines d'exploitation qui eux atteignent 2 millions d'entrées. C'était pas, voilà, c'est, on parle de film d'animation, même si c'est un mélange entre l'animation, les personnages, les Schtroumpfs en 3D et des acteurs réels, quoi. C'est pas mal. Voilà, exactement. On va faire un petit crochet vite fait sur les sorties que l'on attend finalement sur 2013, parce que comme on l'évoquait tout à l'heure, il y a quand même pas mal de. Les sorties s'accélèrent sur cette fin d'année. Alors on en a retenu quelques-unes. D'abord le 23 octobre va sortir donc Ma maman est en Amérique. Elle a rencontré Buffalo Bill. C'est pas un film que forcément on n'a pas du tout entendu parler même, mais ça a l'air pas mal dans le sens où on retrouve un peu les ingrédients qui ont fait le succès d'un film comme Ernest et Célestine qui est sorti l'année dernière, à savoir d'après ce qu'on peut comprendre, d'après ce qu'on peut lire, vraiment une double lecture sur le film et puis un design qui est vraiment très agréable à l'œil, quoi. Ça Ouais, ça fait vous. très très franco-belge Ouais. le design et ouais, j'ai vu la bande-annonce et ça me plaît beaucoup. Non, ça a l'air vraiment très très sympa et super frais dans le film d'animation. C'est quelque chose qu'on voit. Enfin, c'est le genre de film qui donne vraiment envie d'aller voir quoi. Un petit succès à Annecy aussi, donc ça augure que du bon. C'est vrai. C'est prévu pour le 23 octobre prochain. Sur le mois de décembre, on retrouve La Reine des Neiges, donc le Disney traditionnel, on va dire, de la fin d'année qui pointe le bout de son nez. Ça vous parle? Vous en pensez quoi? Est-ce que ça vous donne envie d'y aller d'ailleurs? La Reine des Neiges, j'ai vu la bande-annonce, je dois avouer qu'il y a des décors qui sont pas très très jolis. Après au niveau anime, design, etc., ça a l'air chouette comme d'habitude, quoi, mais La neige a l'air assez dingue quand même. Comment tu la la neige neiges? a l'air assez bien foutue, mais à part ça, il y avait des plans, des photos officielles que j'ai vues où les châteaux et tout, c'était vraiment limite, quoi. C'était pas très très beau. Après, peut-être que dans le film ça ira mieux, peut-être que c'est juste une version en work in progress, donc je sais pas encore, mais en tout cas, déjà dans la réponse il y avait des choses un petit peu limites au niveau technique Ouais. par rapport à Pixar par exemple. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu pareil, donc j'attends de voir. Après, la dernière bande-annonce qui est arrivée au niveau de l'histoire, ça en dévoile un peu plus et ça donne un peu plus envie. Avec l'histoire entre les deux sœurs et un pouvoir qu'elle n'arrive pas à maîtriser, ou des choses comme ça, mais ça à voir. Ça fait quand même très réponse en classe de neige, quoi. Ah oui, C'est, enfin, complètement, ouais. c'est au niveau design, c'est les Ouais. personnages, c'est les mêmes. On retrouve, ouais, exactement les mêmes personnages et tout. Et c'est vrai que ça Bah fait non. très redite, quoi. Ouais, ça va être dans l'histoire que ça va changer, mais c'est vrai qu'au niveau design, c'est très très réponse. Ce qui est pas forcément un mal. Moi, j'ai Oui, c'est beaucoup aimé sûr. réponse, mais c'est vrai que sur certains points. Ça fait, enfin, on a l'impression de voir le même film, quoi. On sera sûr de pas trouver un caméléon de la neige, quoi. Ah, Non, mais mais il il y y a le a petit bonhomme de neige. bonhomme Ah de oui. neige, ouais. Ah, d'accord. Il y a le renne qui remplace le cheval. C'est vraiment. Ouais, c'est exactement le même. C'est Ouais. impressionnant au niveau de l'animation de sa tête, c'est la même chose. Alors, un film qu'attend avec impatience Toon-toon, Ouais. c'est Loulou l'incroyable secret. J'ai loupé l'avant-première avec le réalisateur, je suis dégoûté. Ah, dommage ça. Ouais, et il a l'air vraiment super bien ce film. Tous les extraits que j'ai vus, il donne super envie. Ça fait très enfantin en fait. Ça me fait un peu penser à du Trondheim au niveau du design. Il y a un peu de ça, ouais. Et ouais, ça a l'air génial. Le doublage a l'air très très bon et ça a l'air très très bien. Malgré son titre. Et le 25 décembre, jour de Noël, on aura, ce sera un peu Noël pour beaucoup de monde, puisqu'il y aura l'adaptation au cinéma de donc le nom que l'on a, c'est Space Pirate Captain Harlock, donc c'est le fameux Captain Albator, pardon, Albator tout court même, dont beaucoup de personnes ont passé leur jeunesse à regarder les épisodes quand ça passait à la télé. Là pour le coup, c'est un film japonais en 3D. À voir ce que ça peut donner. En tout cas, j'espère que ça pourra donner envie aux gens d'aller voir le film, parce que les premières images, en tout cas les premières bandes d'annonces qu'on a pu voir sont quand même assez impressionnantes. Ouais. Ça a l'air bien, ça a l'air pas mal du tout. Ça a l'air très, très, très efficace, et à mon avis, Leiji Matsumoto, donc le mangaka derrière derrière Albator, a dû regarder de près ce que faisait la production. Donc, à mon avis, ça doit être bien maîtrisé à ce niveau-là. Donc, on Surtout vous. pour un film japonais, enfin, un film japonais en 3D, c'est pas souvent, et j'ai hâte C'est de ça, voir ce que ouais. ça va donner, quoi. Surtout avec, enfin, ça garde le design de Matsumoto, mais c'est quand même très, on y a, on, enfin, j'ai cette impression d'un traitement de l'image assez occidental. C'était très Et cinématographique. ouais, et c'est vrai que ça change, quoi. C'est vraiment très étonnant, mais ouais, ça donne envie, quoi. Bien, on va pouvoir maintenant ouvrir le cahier critique. Alors, pour être tout à fait franc, donc comme on disait tout à l'heure, il y a eu très peu de sorties cinéma sur le mois d'octobre. Donc on va parler de courts-métrages, on va parler de séries aussi, d'une série d'animation japonaise notamment qui dans les premiers épisodes sont sortis au mois d'octobre. Ben d'ailleurs, je propose qu'on commence tout de suite par celui-ci, par Kill la Kill. Grosse série que l'on attend pour cette fin d'année, en tout cas, dont les premiers épisodes donnent en tout cas clairement envie de voir la suite. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé les uns et les autres, ce que vous avez vu peut-être. Vous avez tous vu au moins l'épisode, hein, le premier épisode. J'ai vu que le Oui. premier il n'y a pas longtemps, et c'est vrai que c'est la même équipe qui a fait Gurren Lagann, et ça se sent directement avec les animations de folie, les mouvements de cam, le côté vraiment décalé à mort, quoi. C'est vraiment fou. C'est pas souvent qu'on voit ça dans les animes japonaises, et ça donne envie, quoi. Mais ça part dans tous les sens en plus, hein. C'est-à-dire Voilà, que ouais, c'est. complètement, ouais. C'est complètement débridé et c'est absolument fou. Et que ça soit au niveau de la réalisation avec des mouvements de caméra assez dingues. Et donc au niveau du design où c'est très très abrupt, c'est très rentre-dedans, enfin, il y a énormément de choses, c'est vraiment fou. Et puis, ouais, il y a un truc que j'aime beaucoup aussi dans cet animé, c'est les décors peints. Il y a beaucoup de. En fait, c'est beaucoup les personnages qui sont animés avec des décors fixes peints qui sont magnifiques et des mouvements de caméra autour. Et ça donne une sensation vraiment très inhabituelle dans l'animation. Et c'est vraiment excellent, quoi. Et puis pour revenir sur la. T'as une impression de verticalité quand tu vois les. T'as des plans où on voit la ville de loin, qui ressemble vraiment à une montagne, et tu vois les différentes strates, et c'est juste. C'est impressionnant, quoi. Il y a C'est très. beaucoup d'idées dans le scénario et dans la représentation, en fait. Il y a beaucoup de choses, en fait. Ça a l'air très simple Ça a l'air très simple de premier abord, parce que bon, déjà les premières scènes, voilà, c'est très violent, ça rentre directement dedans. Et en fait, je pense qu'il y a pas mal de couches c'est un animé à creuser, en fait. C'est très Et appuyé de partout en fait, c'est ça qui est pas mal, tout est super excessif, mais à mon avis il y a pas mal de comme le dit Tuntun, de second niveau de lecture, et c'est à voir justement sur le long terme, quoi. Et ça reste quand même, on parlait des mouvements de caméra un peu foufou, mais ça reste quand même assez lisible, hein, Ah oui, complètement, ouais. dans la compréhension, déjà dans la compréhension, bah, même si l'histoire casse pas non plus trop patte à un canard, mais pour le coup, voilà quoi. Puis le principe de se battre avec une paire de ciseaux, c'est juste. Bah, une paire de ciseaux. Oui, un Un ciseau. ciseau, quoi, Un voilà. ciseau, ouais. Et puis les ciseaux, il est juste trop classe, quoi. Parce qu'en plus, ça s'appelle la Scissor Blade. Ça me fait penser, parce qu'en fait, pour expliquer, donc ça se passe autour d'une académie, donc l'académie Anoji. Et en gros, on découvre un peu le traitement un peu spartiate. Des élèves, comment fonctionne le pouvoir par rapport à des costumes qui montent en puissance par rapport à des étoiles qui sont attribuées aux costumes. Donc ça commence à une étoile, deux étoiles, jusqu'à trois étoiles, et il y a la grande chef, donc Satsuki, qui est au-dessus de tout le monde, et qui est physiquement même au-dessus de tout le monde d'ailleurs. Oui, et qui dégage une lumière éblouissante. C'est très drôle d'ailleurs la façon dont réagissent les personnages, notamment les membres de l'armée quand elle descend en fait. Quand il voit le, il y a, en fait, il y a un rayon de lumière qui arrive, c'est-à-dire qu'elle regarde l'action, qu'elle s'intéresse à l'action, et tout de suite, les gens n'ont pas du tout le même comportement, ça montre l'impact qu'elle a sur les différents personnages. Rien que de l'expliquer comme ça, on a l'impression que c'est complètement débile pour quelqu'un qui connaît pas. C'est Ah ça oui, qui est mais assez. c'est vrai que enfin il y a vraiment une représentation particulière, enfin quand on se dit qu'en plus ça se passe dans une école, que elle justement c'est on va dire la déléguée, c'est la déléguée du conseil des élèves, je crois, un truc comme ça. Ouais, la présidente du Enfin conseil, un truc comme voilà, ça. et que le directeur de l'école il se couche devant elle. Enfin, c'est totalement n'importe quoi. Et il y a, enfin ouais, il y a une hiérarchisation omniprésente qui est hallucinante. Et ça, enfin, ça donne une force à l'histoire que je trouve absolument dingue. Ah ben dans le premier, dès le début, tu sens que y a les quatre méchants qu'elle va affronter au fur et à mesure. Enfin, j'ai vu que le premier, mais Ouais, après j'imagine il facilement. y a, y a quelques surprises. Je pense pour bien intégrer l'histoire et les comment dire les différentes pistes, etc. Je pense qu'il faut regarder, voilà, jusqu'au troisième épisode où je pense c'est vraiment ces trois épisodes sont l'introduction, et après voilà, il se passe vraiment ce qui doit se passer, quoi. Mais ouais, c'est les trois premiers épisodes, c'est l'introduction. T'as une logique très très shonen dans l'approche, hein, quand vous voyez par rapport au comment dire à la hiérarchie des entre guillemets des méchants, parce que pour nous ce sont des méchants évidemment, mais Le fait, voilà, que tu aies quatre membres du bureau, la présidente, ça fait penser à Samurai d'Hyperkyo à l'époque où tu avais les méchants, parce que t'avais toujours un certain nombre de méchants. Si Ouais. jamais un seul méchant qui arrivait l'un après l'autre, Et puis t'avais toujours. tu les affrontes un par un, etc. Ouais, c'est très, très, très fort, quoi. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui sont assez. Ça va pas forcément plaire à tout le monde. Donc, pour le coup, n'hésitez pas. En plus, c'est sur Wakanim, donc comme on en parlait tout à l'heure. C'est surtout, on peut dire pourquoi ça va pas plaire à tout le monde, c'est qu'il y a énormément de fanservice Ah oui. et que ça déborde dans tous les sens, c'est dingue. C'est dingue, tout ce fanservice, c'est vraiment à l'excès, quoi. Enfin, j'avais rarement vu ça comme ça. Et il joue avec ça en plus, hein. Et il joue avec ça, et c'est un des codes du scénario. On l'apprend un peu plus tard, mais l'explication de ce fanservice m'a fait beaucoup rire. Mais je sais que certains sont rebutés par ce côté-là, ce qui est totalement compréhensible parce que ça va vraiment très très loin. Comment gagner de l'argent Mais facilement? Voilà une question mais que voilà, c'est très spécial. Voilà, de toute façon, faut regarder pour vraiment savoir ce qu'on en pense. Mais ça va très très loin dans le fan service. Oui, là oui là-dessus, oui. Faut pas être étonné, hein, du coup, sur cette série-là, mais ça fait partie des gros. Ben, c'était attendu déjà, c'était déjà annoncé à l'avance, Pas à ce point-là. ouais. Pas à ce point-là parce que et encore je crois tu m'as dit tu t'as regardé jusqu'au 2. Oui, tout à fait, ouais. Le 3 va encore plus loin à ce niveau-là et c'est là où on donne l'explication du truc et bon soit on l'accepte soit on l'accepte pas mais c'est vrai que ça peut rebuter beaucoup de gens. C'est sûr, donc ça s'appelle Kill la Kill. Alors c'est visible sur Wakanim en ce moment. Donc les épisodes sont visibles gratuitement pendant un mois. C'est tous les jeudis soirs. Voilà. Juste, d'ailleurs, c'est la première fois, je crois, qu'au niveau simulcast, donc l'épisode en France est diffusé dès la fin du générique de la diffusion japonaise. Japonaise. Donc Ouais, c'est pas mal ça. c'est vraiment le temps le plus court qu'il y ait jamais eu pour un simulcast. Donc ils ont le matériel en amont, comme ça leur permet d'avoir le temps de. Pour faire les sous-titres, Exact. Ouais. Ouais. Exactement. Ben voilà, on va passer à toute autre chose, puisqu'on va parler de Mickey. Un café et un croissant. Un café et un croissant. Un café et un croissant. Très bien. Oh! Il ne me reste plus un seul croissant. Daisy, il me faut des croissants tout de suite. Mickey, il faut que tu apportes des croissants à Minnie. Vite, dépêche-toi, c'est très urgent. Au café Minnie et en vitesse. Ok, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu en animation. Que ce soit au cinéma ou en dessin animé, il y a des séries comment dire, dans l'esprit de Dora qui passent sur les chaînes hertziennes, mais là n'est pas le propos. Et du coup, il y a pas mal de courts-métrages qui sont sortis, notamment sur YouTube, sur la chaîne de Disney, et ce qui permet de les regarder, de les voir gratuitement sur Internet. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire les uns les autres? Qu'est-ce que vous en avez vu plusieurs? Vous les avez tous vus? Alors, moi, j'ai vu, je crois qu'il y en a 5 qui sont diffusés. C'est assez varié. Il y en a qui se passent à Paris, à New York, à Tokyo. Et du coup, c'est justement, ils reprennent les clichés des pays qu'ils traversent. Et c'est vraiment fun ce qu'ils ont fait. C'est très Cartoon Network dans le style. C'est très épuré. L'animation est très cut. Et même au niveau de l'humour, c'est assez étonnant ce qu'ils ont fait. L'épisode de New York où t'as Mickey qui pète un câble et qui devient un peu barge, ça C'est change une bête, de. une souris sauvage. Ouais, c'est ça, ouais, ça change du conservationnisme qu'ils ont chez Disney. Et ça fait plaisir, franchement, ça fait plaisir. C'est très drôle, c'est vraiment. En plus, il y a plein de petites idées visuelles, comme l'épisode sur la plage où Mickey essaie de se cacher pour éviter Daisy Mais et Minnie et il avec des change les blagues. oreilles. Ouais. Et enfin, c'est enfin, franchement, c'est vraiment fun. Ouais. J'espère qu'ils vont faire plein d'autres comme ça parce que c'est vraiment bien. Et puis il y a des petits clins d'œil. Je pense notamment celui au Japon où il, donc à Tokyo où ça utilise comment dire. Il essaye de, enfin, il s'est trompé de train et il essaye de reprendre son train à lui et du coup il court à travers le train, il fait du, il combat contre un sumo, et, il monte sur le train, il court sur le train. Enfin ouais, c'est assez barge. T'as une phase en pixel aussi. Oui, exact dans le tunnel, ouais. Ouais, ouais, il y a beaucoup de choses et j'aime beaucoup à la fin donc quand il arrive finalement à rentrer chez lui, le petit clin d'œil à la fin avec le train avec tous les enfants dedans. Oui, finalement c'est son taf quoi. Ouais, et mais c'est, enfin voilà, ouais, c'est super drôle, il y a des références à l'univers Disney, à des vieux Disney, parce que le coup du petit train à la fin c'était dans un vieux Disney. Et en même temps, comme tu le disais, Chronos, il y a des références à chaque pays. Les croissants pour la France, le Shinkansen pour le Japon, le hot dog aux États-Unis. Enfin, voilà, il y a plein de choses, quoi. Mais t'as aussi, on parlait des références du côté un peu transgressif par rapport à ce qu'on connaît de Disney, qui est assez dur par rapport à leur sortie, il faut faire attention, etc. Notamment le croissant de triomphe, quand bah, il doit voilà, l'histoire c'est qu'il doit récupérer des croissants parce que Minnie elle tient un, comment dire, un café, donc si les gens, tous les gens lui demandent du café et un croissant, quoi, forcément, et forcément il y a du café mais il n'y a plus de croissant, donc Mickey doit aller chercher, donc il prend il se débrouille, et à un moment il passe à travers un château et il fait peur finalement, il croise en fait la prince, c'est Cendrillon, pardon, oui. C'est Cendrillon. Exact, c'est, ouais. C'est son moment fatidique où le prince lui met la chaussure en fer sur le pied. Et du coup, forcément, ils sont surpris. La chaussure tombe par terre. Mais après, hop, on passe tout de suite à autre chose, quoi. Donc, c'est un peu ce côté passe-plat qui est vraiment très, très, très sympathique. Ça fait penser à ce qu'ils avaient fait à l'époque quand ils avaient... Quand ils avaient communiqué autour de Lilo et Stitch, où ils reprenaient différentes scènes de dessins animés, pardon, de Disney, tout en donc en incorporant Stitch, et à la fin ça se terminait toujours en c'était le bazar, quoi. Il y avait une scène qui reprenait notamment la scène de la danse dans La Belle et la Bête. Et c'est ce genre d'esprit qui est vraiment agréable à voir du côté de chez Disney, quoi. Ça change de ce qu'on connaît, de ce qu'ils font à côté, quoi. Ouais, puis ça fait plaisir de les revoir en 2D. Enfin, ils font pas mal de séries à côté, comme Gravity Falls, qui est excellent au passage. Mais et du coup, peut-être que justement, ils misent sur ce côté-là très série, en fait, pour pouvoir continuer à 2D, parce que c'est vrai que ça manque quand même la 2D Disney. Ça manque un peu. Surtout, c'est un format qu'on a plus trop l'habitude de voir finalement. Non, c'est sûr. Je pense notamment tout ce qui était Tom et Jerry, les Tex Avery, les Hanna-Barbera, des choses comme ça, où finalement on était sur des formats assez courts, où bah, je pense notamment l'émission C'est Cartoon, où ça enchaînait du Bip Bip et Vite Coyote, t'avais Titi, voilà. Donc c'était vraiment des formats assez courts, et du coup c'est assez plaisant, parce que du coup on passe pas beaucoup de temps, on passe un agréable moment à regarder tout ça, et c'est vrai qu'en plus ça a la patte graphique qui est novatrice par rapport à Disney, par rapport à Mickey, et qui donne la chose très vraiment vraiment agréable à voir, quoi. D'autres choses à rajouter les uns les autres sur les courts métrages? Vivement les autres. Vivement les autres. Même qu'ils en fassent d'autres avec d'autres personnages, genre des Donald, des Picsou, des... Bah, y en a un avec Donald, oui. Et Daisy. Ouais, je pense que de toute façon, ils vont Bah, enfin, si ça marche, reste Mickey, ouais. mais je pense que oui, de toute façon, ils vont continuer. Si ça marche, ils vont en faire d'autres, c'est sûr. Ouais, ça serait étonnant, hein, si ça marche, c'est sûr. Alors, Toon, du coup, je vais te laisser la parole, puisque tu vas nous parler, on va mettre les mots dans l'ordre, de Plains. Bienvenue au sport le plus rapide au monde. Réservé aux meilleurs des meilleurs du ciel. c'est quoi ce délire? Donc le film, un des films qui est sorti, que l'on a pu voir, que tu as pu voir, sorti au mois d'octobre, donc bah, je te laisse la parole. Voilà, donc Planes, ça raconte l'histoire de Dusty, donc un épandeur qui rêve de participer à une course autour du monde et qui va avec l'aide de ses amis tout faire pour y arriver. Donc c'est plutôt très simple, c'est un nouveau film issu de la franchise Cars. Donc après Cars 2, voici Planes. Ça a été réalisé par le studio Disney Toons, donc à qui on doit principalement les différents films clochettes. Et ça a été réalisé avec un budget très faible puisqu'il est de 50 millions de dollars. Et à la base, ça devait être une sortie en direct tout vidéo. Ouais, le budget est très très faible, 50 millions à titre de comparaison. Cars, le premier, c'était 120 millions de dollars. Et le deuxième, c'était 200 millions de dollars. Et du coup, ça se ressent sur la réalisation. Ouais, du coup, ça se ressent à mort, quoi, parce qu'il n'y a aucune prise de risque artistique. C'est au niveau des décors, c'est assez vide. Les lumières sont pas terribles et ça donne un côté très pâle au film. Enfin, il y a un bon jeu de couleurs, mais ça donne pas le relief que pouvait avoir Cars ou Cars 2. C'est peut-être l'avantage du coup de faire des avions, parce que finalement, s'ils sont là, il n'y a pas forcément beaucoup de décors à dessiner, bah quoi. Si, malheureusement, il y a quand même beaucoup de décors. Parce que en plus, il a Dusty, le héros, il a une particularité, c'est que il a le vertige. C'est pas pratique pour un avion. Embêtant. Et du coup, il vole toujours à ras-mot, donc on voit quand même pas mal de décors, et puis c'est une course par étapes autour du monde, donc on passe assez peu de temps finalement dans les airs, dans le ciel. On passe beaucoup de temps au sol, dans des décors pour rappeler chaque pays, etc. Donc oui, ici finalement il y a pas mal de décors et c'est vraiment assez pauvre à ce niveau-là. Pareil pour les personnages, les moments de foule, les voitures sont toutes les mêmes, les avions se ressemblent beaucoup. Il y a au niveau des différents personnages, c'est assez faible aussi. Donc voilà, techniquement c'est pas terrible. Mais en même temps on le sait, quoi. Enfin, si on sait que le film a coûté si peu cher, on peut comprendre largement que c'est même, ils ont fait même plutôt du bon boulot avec le budget qu'ils avaient. Après, il n'y a aucune de prise de risque artistique, que ce soit au niveau du design ou au niveau du scénario. Les décors, enfin, on est très très loin de la démesure de Cars 2 qui était à ce niveau-là, il était complètement dingue. D'ailleurs, le comparatif est facile à faire, puisque Cars 2 déjà faisait plutôt le tour du monde avec différentes étapes dans plusieurs pays. Et on voyait à chaque fois. Enfin, Cars 2, c'était vraiment exceptionnel au niveau des détails, des différentes villes, de l'animation, des décors. Toute cette façon d'intégrer l'univers de Cars dans le décor. D'adapter les décors justement au monde de l'automobile. On le retrouve très peu dans Planes. Mais malgré tout, oui, ça reste un film relativement agréable parce qu'on a certains personnages, notamment le meilleur ami de Dusty, qui est bien plus sympa à suivre que Martin. on retrouve exactement le même type de personnage. Chaque personnage du premier Cars a son pendant dans Planes, mais de manière générale, je trouve les personnages un peu plus attachants dans Planes. Que ça soit Skipper qui est le pendant de Doc, qui a une histoire assez sympa, même si très téléphoné. Je sais plus comment il s'appelle, le meilleur ami de Dusty, mais voilà, qui est le pendant de Martin et qui est nettement plus agréable. Le niveau de l'humour, c'est beaucoup mieux dosé et c'est ça a rien à voir avec 15-2 où ça en faisait beaucoup trop. Là, c'est les blagues sont plutôt bon enfant et plutôt bien dosées. Ça reste une petite partie du film. Y a une grosse différence aussi au niveau du héros, c'est que Flash dans le premier Cars, c'était vraiment un personnage au début détestable. Il était déjà en fait pas à son maximum, mais c'était déjà une star. Il allait très vite, etc. Donc c'est tout le contraire de Dusty, qui est lui, c'est un épandeur. Il est dans son champ. Et lui, il a ce rêve de faire cette course et de devenir très rapide, ce qui n'est pas le cas de Flash McQueen. Et du coup, Dusty, ça en fait un personnage très agréable qui fédère beaucoup de monde autour de lui. Et je trouve ça bien plus sympa à suivre de cette façon. Le personnage de Dusty est vraiment plus agréable à suivre. Tout au long du film. Après il y a quelques trucs assez sympas, des petits éléments comme une scène où Dusty va sauver un de ses concurrents, et ça nous ramène tout de suite au fait, parce qu'on l'a appris avant la diffusion du film, qu'il y aurait une suite nommée Fire and Rescue. Où il sera, on va dire, une sorte de pompier. Et là, on a un petit aperçu, et c'est vrai que c'est une bonne piste, je trouve, pour la suite. Ça changera du fait de faire des courses, voilà, qu'on a déjà vu avec 15, qu'on a revu avec 15-2. Là, ça va être plus dans un autre registre, et ça peut être très sympa. Il y a aussi le fait que, et ça, j'ai trouvé le clin d'œil assez amusant. Tous les reproches qu'on a fait à Disney et Pixar autour du fait de faire une suite facile pour le merchandising, etc. Et dans le film, ils mettent justement en avant ce truc-là où le meilleur ami de Dusty met en place un stand où il vend des porte-clés, des tasses, des choses comme ça. Et il arrive à vendre tout son stock, et ça lui permet de se payer un billet d'un voyage pour rejoindre Dusty et tout. Et j'ai trouvé la façon de le faire assez marrante. Du coup, au final, t'as pensé quoi Au final, j'ai... Enfin, j'aurais préféré le voir en direct ou vidéo. Je pense qu'au cinéma, c'est trop faible techniquement pour qu'on puisse réellement l'apprécier comme il devrait être, en fait. Surtout quand tu le compares, j'imagine, à un Cars ou un Cars 2, puisque c'est le même univers. Ouais. Et puis ça reste le minimum de prise de risque, quoi. Donc c'est agréable à regarder, c'est vraiment sympa. Il y a des personnages très sympas. Il y a juste un élément du film que j'ai pas, enfin voilà, qui m'a beaucoup rebuté, c'est le fait que, enfin, il y a aucun élément qui permette à Dusty de devenir réellement le meilleur. Si tu veux, il fait un petit entraînement, ça dure 10 minutes. Et directement, bon, il y a quelques éléments en plus, mais il devient meilleur, et on sait pas trop comment. Et donc c'est assez dérangeant, même si je pense que les enfants, la cible principale, ne feront pas vraiment attention à ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose. Enfin, il y a pas réellement de progression. Enfin, on comprend pas la progression, justement. D'un coup, il dit qu'il veut être le meilleur, il décide que ça sera lui le meilleur, et d'un coup, il devient meilleur. Et donc, c'est assez étonnant. Après, c'est peut-être parce que c'est pas forcément la chose la plus importante du film, quoi. C'est histoire de passer, on passe à autre chose, et puis. Bah ouais, mais bon, c'est un peu dérangeant quand même, parce que oui. Du coup, ça annule un peu la scène, la dernière scène, ou enfin, Enfin, moi personnellement, ça m'a dérangé, en tout cas. Je me suis posé la question dans le film, mais comment il fait, quoi. Et voilà, c'est un petit peu, c'est dommage, quoi. Mais voilà, encore une fois, au cinéma, au cinéma, c'est dommage, en DVD, ça l'est certainement moins. Et juste aussi pour le dernier point, c'est au niveau de la stéréoscopie. Je l'ai trouvé très agréable. Pas très prononcé, juste ce qu'il faut. Et ça s'adapte plutôt bien aux scènes de vol. Quand tu parles de stéréoscopie, c'est La 3D avec le lunel, avec les lunettes. D'accord. La 3D en relief. Le relief, ça a toujours mieux marché avec les scènes de vol. Je sais que Dragon, il marchait plutôt bien dans les scènes où il volait avec son dragon. Ouais, bah là ils ont, enfin, il y a des scènes où tu le ressens beaucoup plus que d'autres. Ça se voit tout de suite qu'ils ont travaillé. Je pense à une scène, par exemple, dans un espèce de stade où ils doivent faire le départ d'une épreuve. Ouais. Où tu vois, il y a des confettis de partout, et là tu vois clairement que la scène, elle a été faite pour être visionnée Pour en 3D, 3D relief. Et voilà, il y a quelques scènes comme ça. Mais c'est, enfin, dans l'ensemble, ouais, c'est vraiment pas mal. C'est le seul point qui fait que c'est vrai, ça peut être sympa au ciné. Ok, très bien. Donc à mon avis, un film qui va bien marcher sur. Les enfants, il y avait pas mal d'enfants dans la salle où j'étais, et ils ont été scotchés tout au long du film et ils avaient l'air très contents, ça rigolait un petit peu dans la salle et tout, donc et puis avec les vacances qui arrivent, c'était efficace. Forcément il va marcher, quoi. Oui, ça, on l'a vu tout à l'heure avec les chiffres, 500 000 spectateurs en une semaine, c'est bien parti en tout cas. Ouais, puis les enfants font moins attention aux détails techniques, parce que malgré tout il reste relativement agréable à l'œil, et voilà, il fait le boulot, quoi. C'est simple, c'est efficace et ça passe bien pour le public cible. Très bien. Alors, on va juste terminer. On va juste parler rapidement de la série, d'une série qui est arrivée. Donc, c'est sur France 3, qui s'appelle Les Lapins Crétins. Alors, Les Lapins Crétins, on connaît le jeu vidéo, on connaît les pubs aussi. Et on attendait, ça avait été annoncé depuis un petit moment par Ubisoft, et on attendait donc cette série animée. Toon, toi aussi tu l'as vu, t'en as pensé quoi par rapport à l'univers qu'on connaît des Lapins Crétins? Moi j'aime beaucoup l'univers Lapins Crétins, ça reprend le design, un design assez proche de La Grosse Aventure. Qui était le quatrième jeu, je crois, troisième ou quatrième jeu. Il y a eu tellement. Des lapins, mais justement, lui, il différait parce que c'était pas un party game. Et il devait récupérer plein d'objets pour faire une tour jusqu'à la lune. Tout un programme. Oui. Et donc, ils reprennent ce design-là des séquences cinématiques que je trouve très agréable, même si là c'est en série, c'est assez pauvre, pareil au niveau des décors, c'est voilà, on mise tout sur les lapins et le peu de personnages qu'il y a. J'ai trouvé ça assez drôle, les situations et tout. Moi je suis assez client de l'humour lapin crétin, mais les bruits des lapins crétins pendant 7 minutes, c'est pas possible. Ils arrêtent pas tout le temps. Ah, oh, ah, rien. Oui, et c'est très très fatigant. Quoi. Ouais, c'est très fatigant, et voilà, quand il y a un lapin, déjà c'est long, mais comme dans chaque épisode, il y a 4, 5, 6 lapins, c'est très très long, c'est pas possible. J'ai peur pour les films des mignons, j'ai l'impression que ça va être un peu pareil pendant une heure et demie. Ouais. Bah, je pense qu'ils font un peu moins, mais c'est vrai que sur un long métrage, c'est long. Ouais. Ça serait très long, ouais. Surtout s'il n'y a pas de parole, si tu ne suis pas. C'est compliqué quand même. Y en a un petit peu, parce qu'il y a des personnages humains, et ça tourne beaucoup autour de ça, où c'est, les lapins sont là en fait pour emmerder les humains, quoi. Et du coup, il y a des situations assez drôles, mais c'est vrai que. Voilà. Donc c'est avec des acteurs, des vrais acteurs, et les lapins crétins sont en fait... c'est tout animé. Tout en 3D, ouais. D'accord. C'est tout d'accord. En 3D, ouais. Très bien, donc ben voilà, on va pouvoir refermer tranquillement ce petit cahier critique qui est un peu l'arbre qui cache la forêt des deux prochains mois, qui risque d'être assez beaucoup plus important en termes de sortie, notamment au cinéma. En ce qui concerne l'animation. Donc on va pouvoir attaquer notre fameux dossier, ce dossier qui, on va dire, qui joue avec l'actualité, puisque c'est le 1er septembre dernier, on va rentrer directement dans le vif du sujet d'ailleurs, c'est le 1er septembre dernier qui a été annoncé lors de la Mostra de Venise, la retraite d'Hayao Miyazaki, puisque le réalisateur a décidé que le vent se lève, il faut tenter de vivre, serait son dernier film. On fera en sorte hein, de dire que le début du titre qui est quand même excessivement long pour la Sinon, pour la tu peux dire le nom japonais. Oui, c'est vrai. C'est Kaze Tachinu. Voilà. Donc, on verra, mais voilà, on dira le vent se lève, comme ça tout le monde comprendra qu'on parle du dernier film. Effectivement, il y a le film de Ken Loach qui s'appelle pareil, donc c'est pour éviter de confondre, je suppose. Ouais, mais voilà, c'est assez on bizarre. On verra à l'affiche, je pense. Oui, c'est sûr. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé, on s'est dit, on va sauter sur l'occasion, parce que c'est quand même un réalisateur qui compte dans l'animation, parce que depuis le temps qu'il a travaillé, que ce soit sur les séries, que ce soit sur les films, son animation, donc notamment au Japon, et Miyazaki, c'est quand même un très très grand réalisateur. Alors on va s'intéresser à plusieurs choses. On va s'intéresser d'abord, on va faire un rapide retour sur sa carrière, qui est donc un retour non exhaustif évidemment, parce qu'il a fait tellement de choses qu'en parler ce serait plus. Il faut un podcast entier. Oui, exactement. Mais je pense qu'on aura l'occasion de le faire en parlant plus précisément des différents films qu'il a fait. On verra aussi l'importance qu'il a au sein du studio et la dernière partie qui va être la plus importante, en tout cas la plus intéressante, ça va être de savoir si on va pouvoir trouver quel réalisateur pourra prendre la relève de Hayao Miyazaki. Donc on va faire un tour de table entre les différentes personnes, différents réalisateurs qui peuvent démontrer qu'ils ont toutes les qualités d'un Hayao Miyazaki, et donc pour permettre aussi au studio Ghibli d'avoir un avenir reluisant. Alors Miyazaki, il a commencé en 63 sa carrière. Alors il a rencontré, c'est marrant parce qu'il rencontre, donc c'était à la Toei, et déjà à l'époque il a rencontré Isao Takahata, donc le fameux réalisateur donc de Pompoko, du Tombeau des Lucioles notamment. Et donc ils se rencontrent vraiment vraiment très tôt, forcément ils s'entendent bien, ils participent un peu à ce qu'on appelle à l'époque c'est l'âge d'or de la Toei, puisque Isao Takahata notamment va réaliser le long métrage Horus, Prince du Soleil, sur lequel Miyazaki travaillera en 65. Alors est-ce que vous l'avez vu, du coup j'en profite, ouais. Parce que ça fait partie des films qui ont été sortis c'était Whiteside qui avait sorti ces films-là. Donc il y a Horus, Prince du Soleil, il y a Qui est la petite peste aussi. et Panda, Petit Panda, il me semble aussi. Tout à fait. Et qui était sorti en France en DVD. Est-ce que vous avez eu l'occasion de les voir, ces films? J'ai pas eu l'occasion. Pour le j'ai vu Horus, Prince du Soleil, récemment. Et Panda, Petit Panda aussi, on en parlera peut-être juste après. Mais Horus, Prince du Soleil, c'est assez étonnant, ce qui date de, donc, de 65. Et c'est assez dingue de se dire qu'il est aussi vieux, parce que bon, au niveau design, au niveau enfin décor et tout, c'est relativement pauvre, mais ça s'arrête pas. Il y a un rythme dingue dans ce film, ça va dans tous les sens. C'est assez on retrouve déjà une patte Miyazaki Takahata, parce que Miyazaki a été assez important dessus, il me semble. Et ouais, c'est assez dingue de se dire qu'il est aussi vieux, parce qu'il a quand même relativement très bien vieilli. Il se regarde encore très bien maintenant. Il y a de super musique, ça va au niveau du rythme. Ouais, c'est ce que je disais. Il va vraiment dans tous les sens. Ça va à 100 à l'heure. Il n'y a jamais de temps mort. Et c'est vraiment un film. Ouais, je recommande de le regarder, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dedans. Alors pour le coup, Miyazaki devient rapidement animateur clé, alors notamment sur le Chaboté. Il va travailler aussi sur de nombreuses séries. Donc il travaille à la Toei jusqu'en 71, et il va rejoindre Takata. Donc ils ont vraiment un parcours quasi parallèle au sein des mêmes studios, parce qu'ils ont travaillé ensemble à la Toei, et là ils vont travailler ensemble au studio APRO, pour lequel en fait ils vont réaliser des épisodes de Lupin 3, donc de la scène donc que tu évoquais, Tuntun, donc Panda Petit Panda. Et après ils vont encore changer, ils vont encore partir donc pour aller dans un nouveau studio qui s'appelle Zuyu Pictures, et ils vont travailler sur notamment Miyazaki va travailler sur un certain nombre de séries, alors notamment Heidi. Et surtout la première grosse série qui est Conan le fils du futur, les 26 épisodes qu'il va réaliser, il me semble, sur lequel il sera animateur, le clé, je ne sais plus. Il les réalise. Une série qui a pris un peu d'âge quand même, mais c'est, quand tu parlais de Russe, ça me fait penser un peu à Conan, c'est-à-dire que graphiquement, c'est assez pauvre, c'est des décors assez bruts de décoffrage, mais finalement, ça court partout, ça saute, ça vole, un peu comme quand vous regardez le générique de d'une série qu'il a réalisée qui s'appelle Sherlock Holmes, qu'on va évoquer un petit peu plus tard, mais c'est un peu, on retrouve vraiment toute la patte de Miyazaki à travers ce générique. Et du coup, il va réaliser son premier film en 79, quand il va partir donc à la TMS, donc la Tokyo Movie Shinsha, et le film qui est un excellent film qui s'appelle Le Château de Cagliostro. J'imagine que... Qui est un Lupin. Voilà, Lupin. Exactement, j'imagine que vous l'avez vu. Même pas de mon côté, j'ai pas eu l'occasion. Et pas encore non plus. Oh, vous l'avez pas encore vu, d'accord. c'est un vrai film. Alors si vous connaissez Lupin, c'est dans la veine de Lupin. C'est pareil, c'est... Le gentleman cambrioleur. Exactement, le gentleman cambrioleur. Qui pareil, ça vole de partout, ça explose, on retrouve vraiment, on dirait, un vrai fil rouge entre ces films, et pour le coup, c'est un vrai bonheur à regarder, parce qu'il a même pas vieilli plus que ça, franchement, il est de 79, mais il reste très agréable à voir. C'est vrai que le design de Lupin, que ce soit la série animée ou le film, il est assez universel, je trouve, et... Il est très moderne, en plus. Ouais, il vieillit bien, c'est très agréable encore. Très efficace en tout cas, ouais, c'est sûr. 82, alors 3 ans après Le Château de Cagliostro, donc il va réaliser les 6 premiers épisodes de la série Sherlock Holmes, donc une série qui a été diffusée à maintes fois, que ce soit notamment dernièrement c'était sur France 5, et qui est pareil, alors une série qui a quand même assez mal vieilli, je trouve, que ce soit au niveau de l'image ou du son, mais finalement après une fois passé ça, on est quand même agréablement surpris, et puis on apprécie aujourd'hui encore l'histoire, le Le Sherlock Holmes en mode Furies. C'est-à-dire qu'ils ont, sont tous des animaux. Ce côté anthropomorphe. Ouais. Voilà. Qui est très agréable à regarder. Un design, un car design qui est vraiment très, très sympathique. Et voilà, pour le coup, ça fait partie des souvenirs que vous. C'est des vieux souvenirs. Ouais, c'est des vieux, ça remonte. Hein. Ouais, ça remonte. Ouais. C'est des vieux souvenirs, mais c'était un truc un peu comme Heidi ou Lupin. Quand j'étais petit, je les voyais, j'avais pas l'impression de regarder. Enfin, pour moi, ça faisait pas animation japonaise comme je connaissais à l'époque, c'est-à-dire Dragon Ball, les trucs du Club Dorothée et tout. C'était très différent. C'est pour ça que j'en ai un souvenir assez ambigu. C'est assez étonnant. Alors, on connaissait donc Hayao Miyazaki, réalisateur de séries, réalisateur de films, animateur clé. Donc, il a vraiment eu plusieurs postes. Et il a aussi fait son premier manga, Nausicaa, qui deviendra le film. Alors, le film ne va pas être réalisé au sein du studio Ghibli, mais il va permettre la fondation du studio Ghibli. Pour le coup, c'est pendant la réalisation, donc il y a eu Nausicaa, et ensuite il y a eu Le Château dans le Ciel en 86, et c'est durant la réalisation du Château dans le Ciel, quand il était encore en production, que va naître le studio Ghibli tel qu'on le connaît aujourd'hui. Même si... Ça, oui, pardon. Non, vas-y, continue. Non, je veux dire, même si sa structure définitive sera claire une fois les premiers succès engagés, sachant que le problème que va connaître le studio, c'est qu'ils vont être obligés de faire des succès à chaque fois, c'est-à-dire qu'ils sont obligés en fait de réinvestir quasiment l'argent qu'ils ont gagné sur leur précédent film. À chaque fois, c'est un coup de poker. Exactement. Parce qu'ils sont, voilà, pour le coup, c'est adossé à une structure qui est très très endettée, donc forcément, il faut faire rentrer de l'argent, et pour faire rentrer de l'argent, il faut faire des films, et il faut faire des films qui fonctionnent. Je voulais juste revenir très rapidement sur Nausicaa. Le fait qu'il ait été publié d'abord en manga, c'est que Miyazaki voulait faire le film d'abord, enfin, il voulait faire un film, Nausicaa. Il l'a proposé à plusieurs producteurs et à plusieurs sociétés, et à chaque fois on lui disait non, est-ce qu'il nous on fait on veut d'abord enfin on veut faire une adaptation d'un manga ou d'une œuvre qui a déjà un succès et pour être sûr quoi. Et donc c'est à ce moment-là où Toshio Suzuki qui voulait vraiment aider Miyazaki à ce moment-là, qui était assez proche de lui, lui a dit fais un manga, moi je le publie. Donc à ce moment-là il était rédacteur en chef d'Animage, qui était un très grand magazine sur l'animation, et donc ils ont pré-publié le manga dedans, et ça a très très bien fonctionné. Et à ce moment-là ils ont lancé la production du film Nausicaa. D'ailleurs, le manga qu'on trouve dans un format un peu atypique par rapport au manga que l'on connaît, mais qui est disponible chez Glénat, donc l'intégralité de la série dans un très beau format, une très belle édition. C'est un peu le même format qu'Akira, il me semble. Ouais, tout à fait. Mais moins de pages que pour les gros tomes d'Akira. D'ailleurs, petite question, j'ai pas lu le manga. Est-ce que le manga est mieux que le film? Ceux qui l'ont vu. Je ne saurais pas le dire. Je pourrais pas te dire non plus, j'ai vu le film mais j'ai pas vu le manga. Par contre, le dessin, tu reconnais tout de suite Ah oui, ça par contre, le trait de Miyazaki. C'est assez impressionnant. Et je pense que le manga peut être intéressant dans le sens où il y a 7 tomes et que forcément les 7 tomes sont pas mal d'avoir l'histoire. Développer beaucoup plus l'histoire. Le film se base sur les deux premiers tomes, je crois. Ah d'accord. Le premier tome, un truc comme ça. Donc il y a quand même un développement intéressant à regarder du côté des mangas pour ceux qui ont vu pour ceux qui avaient vu Nausicaa en premier. Alors c'est marrant parce qu'on parlait du Vent se lève et du film de Isao Takahata. La remarque que les gens se faisaient, c'est que les films devaient sortir en même temps. Et en fait, faut savoir que Miyazaki et Takahata ont déjà fait, c'est déjà arrivé dans le passé, C'est une tradition un peu chez eux. qui sortent leur film, je crois que c'est même le même jour, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. En tout Ah, cas, en fait, c'était une séance commune. Là, tu parles de Totoro Et du tombeau des et du Lucioles. tombeau des Lucioles. En fait, c'était une séance commune. On payait à ce moment-là au Japon pour une séance qui commençait avec Totoro et qui finissait avec le tombeau des Lucioles. Ouais, c'est trash quand même. Hein. C'est assez bizarre, hein. En plus, je crois Mais qu'il y avait une ouais. histoire de thème commun ou quelque chose comme ça. Ils s'étaient mis d'accord pour faire un film sur un thème assez commun et Ouais. faire leur propre vision du thème justement. Et ça a donné ces deux films qui sont vraiment très différents. Ouais. Mais en même temps, c'est des enfants un peu livrés à eux-mêmes. Enfin, un peu moins pour Totoro quand même, mais il y a vraiment beaucoup de points communs entre les deux films. Oui, c'est vrai qu'en parlant comme ça, oui. Après, c'est vrai, du coup, le traitement n'est pas du tout le même, heureusement Non, pas du tout, d'ailleurs. non. Mais c'est marrant de voir que finalement, ce qu'ils ont essayé de faire en 2013, qui n'ont pas réussi, ils l'avaient fait en 88, date de sortie de Mon voisin Totoro et du tombeau des Lucioles. Voilà. Alors, on va s'intéresser maintenant, du coup, l'importance que qu'est Miyazaki. Quelle est l'importance comment dire, du personnage de Miyazaki au sein de Ghibli? Parce que c'est vrai que c'est assez étonnant. C'est-à-dire nous, on a toujours connu Miyazaki, on a toujours vu Miyazaki et Ghibli comme étant deux noms associés, tout le temps associés ensemble, quoi. Qu'est-ce qui pour vous, je vous pose la question à tous les deux, qu'est-ce qui pour vous fait que Miyazaki est important au sein du studio Ghibli? Il a, comment dire, déjà il représente quelque chose quoi par rapport au Japon, par rapport à la culture japonaise. Il y a une sorte de valeur traditionnelle en fait qui est vraiment pas commune. Enfin, son studio est vraiment à part en fait. Il est vraiment représentatif du studio et quand on voit comme on a déjà vu tout à l'heure avec Kill la Kill, c'est vraiment un studio à part. Il y a une patte, il a vraiment un style à part, il a vraiment des valeurs à part. Et en plus, c'est beaucoup plus international que la plupart des séries animées. Et je pense que c'est ça qui représente, c'est vraiment cette signature qui représente. Et c'est pour ça qu'il est si important au studio. C'est vraiment l'âme du studio au final. Parce qu'il faut aussi voir qu'il a, bah, lui, il a l'origine du studio, quoi. En Déjà, plus, ouais. il est arrivé donc avec Isao Takahata, avec Toshio Suzuki, dont on évoquait le nom tout à l'heure. Et c'est en plus, c'est lui. Il faut savoir en plus que c'est lui qui a fait en sorte que les gens soient salariés au sein du studio, parce qu'il faut savoir que à l'époque, les gens étaient sur des contrats durée déterminée. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que le film était terminé, le contrat s'arrêtait. Le problème, c'est qu'il y avait un renouvellement forcément à chaque projet, puisque les gens qui cherchaient du travail, ils pouvaient être débauchés pardon, par d'autres studios à côté, et du coup, ça empêchait d'avoir une certaine continuité dans ce que les uns et les autres faisaient, quoi. Et du coup, il a fait en sorte donc, que les gens soient salariés, aussi que le studio soit construit, en tout cas entouré par la verdure, hein, pour vraiment avoir un cadre de travail de qualité. C'est lui qui a dessiné les plans d'ailleurs. Tout à fait. Alors du musée, ouais, du coup, Il me semble du studio du aussi. studio également. Il me semble, ouais. Donc ça montre quand même son, je pourrais dire son emprise, parce que son emprise c'est négatif comme terme, mais Bah, l'empreinte qu'il a. c'est un peu une emprise quand même, parce qu'on le voit actuellement avec la difficulté de trouver de nouveaux réalisateurs, de se défaire justement de cette empreinte-là que laisse Miyazaki. Donc c'est on peut presque parler d'emprise finalement. Ouais, c'est sûr, hein. C'est sûr. Surtout qu'on va voir qu'il y a eu pas mal de tentatives de proposer à d'autres réalisateurs la réalisation de certains films. Je pense Ouais. notamment au Château Ambulant pour lequel on avait Mamoru Hosoda avait été Soda. prévu. Hosoda, pardon. était prévu sur la réalisation. Alors au final, c'est pas fait pour des questions de mésentente entre les deux, entre Miyazaki et. C'est pas entre Miyazaki et Osoda, parce que alors j'ai lu une interview hier sur cette enfin où Osoda revenait un petit peu là-dessus, parce qu'il en parle très peu, parce il explique qu'il y a un commun accord avec Ghibli pour ne pas en parler. Mais il expliquait justement que c'était pas avec Miyazaki, puisque Miyazaki il a jamais réellement travaillé avec lui, il a très peu parlé avec lui en fait finalement, mais c'était avec les équipes créatrices où il était en désaccord, parce qu'ils avaient une façon de travailler totalement différente, et que justement ils étaient l'équipe créative du studio Ghibli, forcément ils sont quasiment, enfin une grande partie était formée directement par l'école, enfin la formation Ghibli, et que du coup ils étaient totalement formatés au style Miyazaki, et ils avaient du mal à avoir une autre vision du travail, celle qu'apportait Osoda, et c'est pour ça qu'il y a eu ce désaccord. Même oui, avec sur certains films comme Les Contes de Terre-Mère, oui. Je crois que c'était son fils qui avait réalisé. Et c'est pareil, il y a eu des tensions entre les deux, il me semble. Ouais, c'est-à-dire que Miyazaki l'avait critiqué publiquement. Ouais. Il y avait eu des grosses tensions, quoi. À la projection, il me semble, je crois qu'il y a eu une histoire comme ça. Oui, où il est parti au bout d'une heure de film. Ouais. C'est-à-dire que pour Les Contes de Terre-Mère, c'est que c'est Toshio Suzuki qui avait limite imposé que ce soit Gorō Miyazaki qui soit à la réalisation, et surtout Gorō Miyazaki, lui, est architecte. Il est pas, il a jamais été réalisateur, donc il a été mis à la réalisation d'un film d'importance quand même, hein, parce qu'on parle d'un film Ghibli. Mmh. Et sans avoir d'expérience, donc en plus je pense qu'il y a la filiation qui a dû qui a dû entraîner des tensions entre les deux, hein, mais pour le coup c'est ils ont bah les deux, on va dire, même Gorō Miyazaki n'a pas été mis dans les meilleures dispositions pour travailler dans la sérénité la plus absolue, quoi. Alors, est-ce qu'il voulait vraiment en fait entrer à Ghibli, parce que du coup s'il a refusé, si l'autre il a dû insister, c'est que il voulait pas forcément, quoi. Oui, à la base il voulait vraiment pas, et c'est vraiment Suzuki qui a insisté pour qu'il le fasse. Finalement Gorō est resté, mais c'est vrai que à la base il y avait une volonté de ne pas y aller, ouais. et je pense qu'il y avait une volonté du père aussi de que son fils ne le fasse pas, parce que on l'a vu, c'est pareil. Enfin, Hayao Miyazaki est très très impliqué dans ses films, et même dans les films des autres. Justement, on l'a vu avec celui de Gorō, où il est réalisateur, mais il est aussi animateur. Il est très impliqué, très très impliqué dans la production même de ses films. Et du coup, c'était une période où il y avait déjà eu l'histoire de sa retraite après Mononoke, il me semble. Oui, alors il avait déjà dit plusieurs fois que il voulait partir, etc. Mais malgré tout, on sentait qu'il était encore trop impliqué dans le studio pour pouvoir laisser quelqu'un d'autre faire, quoi. Ça fait penser un peu, alors dans un tout autre domaine, à Kojima en fait, dans le sens où même si c'est pas du tout la même chose, on n'est pas du tout sur. Non, dans c'est le même vrai domaine. Qu'il y a un parallèle à faire. Ouais. Parce que je vois notamment, donc c'est Hideo Kojima, réalisateur, créateur de la série des Metal Gear Solid, et qui c'était même le 2, il voulait pas le réaliser, il voulait que ce soit un membre de son équipe qui le fasse, et les autres épisodes pareil, mais à chaque fois il y avait, on va dire, la pression de l'histoire, on va dire de l'histoire entre guillemets, de l'historique de la série, qui fait que surtout si un gars comme Kojima reste dans l'équipe, fait partie des producteurs, t'as toujours forcément une pression plus importante que si finalement t'as plus de liberté et moins de pression, surtout ne serait-ce que par la présence de la personne, quoi. Et il y a un peu ce problème de détachement qui n'est pas forcément évident, bah surtout comme on évoquait tout à l'heure, Miyazaki, il a quand même créé le studio, il lui a permis d'arriver dans la situation telle qu'il l'est maintenant, avec avec un succès qui a été crescendo à l'international. Donc, Oui, puis il y a ça aussi qui joue. Je pense que même si actuellement c'est plus le cas, malgré ce que dit Suzuki, notamment sur Le Vent se lève, là, on a les retours en chiffres, etc., qui sont où il dit que c'est pas encore rentable, mais bon, voilà. Il y a toujours, je pense, Miyazaki dans sa tête de l'époque où chaque film était un coup de poker et que bah, si ça ratait, il n'y avait plus de studio. Et je pense que vu depuis Mononoke où vraiment le studio a explosé au niveau international où Miyazaki porte le studio sur ses épaules au niveau pas financier mais au niveau du succès parce que à partir de Mononoke tous les films que les succès les plus importants c'est des films réalisés par Miyazaki sachant que tous les autres réalisateurs ont fait vraiment nettement en dessous quoi et il y a ça aussi je pense qu'il a ce poids-là sur les épaules où il a peut-être l'impression que il a toujours dans sa tête l'idée de chaque film peut mettre un terme au studio, et il a toujours ce problème, enfin cette idée de si met pas, ça va être le succès va être moindre et il peut y avoir cette chute du studio à n'importe quel moment quoi. Même si dans les faits c'est plus réellement possible, en tout cas pas à ce niveau-là. Bah ça, comme le dit Romain, c'est vraiment son bébé. Alors, je pense qu'il a du mal à laisser passer quelqu'un et à donner les clés. Au final, c'est pas évident, justement. Il faut que tu sois sûr que le mec qui va reprendre le studio va être à la hauteur et qu'il va continuer tout ce qu'il a construit, parce que c'est vraiment ça, quoi. C'est ce qui va être à la hauteur et vraiment perdurer la tradition et être dans le même style, parce que quand on voit Disney et que quand, après le livre de la jungle, quand il est décédé, on voit tout de suite que les gens qui ont été derrière ont voulu faire des suites, alors que Disney a voulu réaliser, a, voulu, a, pardon, a refusé net qu'il y ait des suites. Et c'est pas évident, quoi, de laisser, C'est ouais, c'est sûr, d'avoir un c'est pas facile. successeur. Faut pas oublier aussi que Miyazaki, il a quand même 62 ans. C'est quand même, même déjà de le voir encore à son âge, toujours au travail. Pareil, Takahata, je crois qu'il a 77 ans. Ouais. Donc ils sont plus tout jeunes, quoi. Et Takahata, c'est un peu différent parce que même si lui aussi c'est un emblème du studio, il arrive à avoir ce détachement où Bah, il il est tellement est. présent, c'est-à-dire qu'il. Notamment, on évoquait tout à l'heure les films qui étaient sortis en même temps, donc Le Château dans le ciel et le château, pardon, Mon voisin Totoro Le et tombeau Tombeau des des Lucioles. Lucioles, mais après Takahata, il expliquait dans les interviews qu'il faisait autre chose à côté, des fois, bah, en Ouais. plus ça l'embêtait parce qu'il était payé par le studio, mais il travaillait sur son temps de travail pour des projets plus personnels, quoi. Donc il n'a pas le même impact et la même et Il comment a dire? un détachement qui est autre, quoi. Voilà. Il n'a pas la même implication, même dans la réalisation de ses films, où il est réellement réalisateur et pas tout à la fois comme peut l'être Miyazaki. Donc c'est vrai que c'est plus facile aussi pour lui, notamment bah, de faire des films encore à son âge, puisque même si là son prochain film, ça sera le premier en 14 ans, je crois, depuis mes voisins les Yamada. Il a pas la même implication. Et Miyazaki, voilà, il a 72 ans, mais il dessine il est beaucoup de plus en plus lent pour dessiner. Et vu son implication dans chaque film. S'il en réalise un prochain, ça sera pas, il sortira pas avant 6-7 ans. Du coup, ça veut dire un budget nettement plus élevé, un temps de production où il sera pas, enfin, il sait pas si dans 6 ans, même si voilà, enfin on peut se poser des questions, si dans 6 ans il sera là, il sera encore là. Donc c'est vrai qu'il y a ce problème qui se pose moins pour Takahata. Par contre, comme il l'a dit, comme l'a dit Miyazaki, c'est pas parce qu'il arrête de réaliser qu'il ne sera plus présent au studio. À mon avis, il va superviser de loin, à mon avis. Il va garder un œil. Je pense pas qu'il va laisser ça comme ça. Non, tout ce qu'il a construit. Ça c'est évident, oui. Et puis, tout ce qu'il avait annoncé. Il s'orientera peut-être plus vers le musée et puis vers la réalisation de courts-métrages. Ouais, exactement. J'aimerais juste revenir parce que avant de passer sur le futur, sur l'avenir, sur les réalisateurs potentiels, par rapport à donc quand il avait annoncé en fait en 97 au moment de la sortie de Princess Mononoke que ce serait son dernier film, il avait déjà à l'époque 56 ans. Et en fait, ce qu'on sait peut-être moins, c'est que il avait déjà le nom de son successeur en tête. Puisque c'était un réalisateur du nom de Yoshifumi Kondo. Alors Yoshifumi Kondo, il n'est pas du tout connu chez nous, puisque déjà il a travaillé énormément, il a travaillé sur le chara-design du Don Odysseus, il a co-dirigé l'animation Kiki la petite sorcière, et c'était aussi le premier réalisateur le nom du film c'était Mimio Sumaseba, et c'était le premier film du studio Ghibli qui était réalisé par quelqu'un d'autre que Miyazaki ou Takahata, et c'est-à-dire que déjà la confiance qu'avaient les deux pour le mettre à cette place-là, parce qu'il était réalisateur et les autres n'étaient pas forcément là pour le suivre. Et le problème, c'est que ce réalisateur qui était très apprécié de Miyazaki, de Takahata, en fait, il est décédé en 98. Hein, donc, c'est à mon avis, ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles Miyazaki a continué à réaliser, parce que finalement, il s'est rendu compte que la malchance et le destin a fait que Yoshifumi Kondo, qui était en plus très très réputé pour les connaisseurs, n'a pas pu prendre la suite sur les films qui suivaient Princess Mononoke, quoi. Ils avaient pas après son décès. Donc son décès, je crois, il intervient une semaine après la retraite officielle de Miyazaki. Et il a mis un an à revenir. Et voilà, c'est qu'il y avait Takahata qui travaillait à l'époque sur Mes voisins les Yamada. Et derrière, il n'y avait personne d'autre. Et du coup, pour soutenir, vu la production de Takahata, il n'y avait personne d'autre pour soutenir le studio. Donc il a dû se résigner, parce qu'à mon avis, il était à l'époque, lui, il était vraiment décidé à partir. Du coup, il a dû se résigner à revenir. Exactement. Et en plus, Mimio Sumaseba, est un des seuls films qui n'est pas sorti en France. Oui. Alors, ils ont quasiment tous connu une sortie cinéma. Il y a juste Omoide Polo Polo qui est sorti directement en DVD. Et pour le reste, ça fait partie des quelques films qui n'a pas connu une sortie française. Alors je pense que vous avez peut-être quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'on a pu dire auparavant. Non, pour le moment, non. Du coup, on va passer directement à la dernière partie de notre dossier, c'est-à-dire après avoir fait le constat. Alors, dresser un peu l'historique de Miyazaki, du studio Ghibli, des différentes personnes autour du studio. Alors, qui pour prendre la relève? Alors, quelques noms, on a une liste, on va dire, de réalisateurs qui a travaillé sur des films, pas mal de films d'animation. Alors, on va commencer d'abord par Gorō Miyazaki, finalement. Qui de plus concerné que le propre fils de Miyazaki? pour faire la continuité avec le travail de son père. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'il ferait partie des réalisateurs réguliers sur les prochains Ghibli ou... Réalisateur régulier, c'est sûr. Après, ouais, reprendre la relève, peut-être pas encore. Enfin, pas encore, mais pour l'instant, non, je pense pas. Disons que oui, le problème c'est que justement il a un poids énorme sur les épaules et que pour l'instant donc les contes de terre et mer ça s'est pas bien passé. La colline au coquelicot, Miyazaki, enfin Hayao Miyazaki était encore très très impliqué dans la production. Donc on va vraiment voir comment ça va se passer pour son prochain film, voir s'il arrive à se détacher de cette influence. Et de trouver son propre style et de montrer que c'est un grand réalisateur, ou s'il reste justement dans le giron de son père, et à ce moment-là, on pourrait pas vraiment parler d'avenir du studio avec lui, quoi. Et les films n'ont pas eu énormément de succès. Ceux qu'il a réalisés, Ouais, c'était pas des cartons. la colline au coquelicot a eu un relativement bon succès, mais c'est très en dessous de ce que réalise son père, quoi. Faut voir aussi parce que quand je repense, je repensais à ça en préparant l'émission, mais par rapport au conte de Terre-Mère, on évoquait dans la première émission le fait que Rebelle ne soit pas un vrai Pixar. Bah, je trouve que les contes de Terre-Mère, pour le coup, c'est quand tu te regardes sans savoir que c'est un film du studio Ghibli, c'est pas forcément évident de, mis à part le chara-design des personnages qui font penser forcément à la patte de Ghibli. Mais par rapport au thème évoqué, par rapport au sujet traité, on est quand même, je trouve, assez loin de l'univers magique et fantasmagorique, on va dire, d'un film du studio Ghibli, quoi. C'est Oui, c'est vrai. assez sombre, hein. La fin est quand même triste. On est habitué à avoir des fins quand même qui se tiennent et qui sont plutôt positives. Là, c'est pas forcément le cas, je trouve. Après, ça change, ça permet justement d'avoir des nouvelles choses par rapport à ce qu'on est habitué avec Miyazaki père aussi, donc. C'est vrai. Justement, je pense que l'avenir du studio passe aussi par là, savoir se détacher de ce que Hayao Miyazaki faisait pour aller vers de nouvelles choses et essayer d'apporter une nouvelle patte au studio. Bah, s'il commence à essayer de copier Miyazaki, ça marchera pas de toute façon, donc. Oui, c'est sûr. Faut C'est mieux pour qu'il ça, trouve. vaut mieux, faut se détacher, quoi. Ouais, exactement. Alors, bah, on a vu, de toute façon, on a vu tout à l'heure qu'il travaille déjà sur un futur projet pour une Justement, compagnie. qui pourrait lui permettre de se détacher, parce que si c'est du Chambara, ça c'est très atypique par rapport à ce que fait son père, quoi. Exactement. Alors, autre réalisateur, c'est Hideaki Anno. Alors, ceux qui le connaissent certainement pour son travail au sein du studio Gainax, notamment sur Evangelion. Mais il faut savoir que Hideaki Anno, en fait, il a commencé sur Nausicaa. Il a commencé, en fait, sur l'animation de la grosse bestiole. La scène du réveil du géant de feu. Exactement. Et comme tu le disais, Tuntun, Miyazaki finalement lui a laissé beaucoup de liberté. Et même si Anno finalement après s'est éloigné du studio Ghibli parce qu'il a travaillé chez Gainax, et il a réalisé, donc on disait tout à l'heure, Evangelion, également Nadia, le secret de l'eau bleue. Et notamment Nadia, c'est une idée qui aurait été soufflée, qui lui aurait été soufflée, pardon, par Miyazaki. Et un détail amusant, faut savoir que il tient un rôle dans Le Vent se lève, puisqu'il est la voix japonaise du protagoniste du film. Et c'est un peu, on peut dire, est-ce que ça peut pas être vu comme une sorte de passage de témoin ou de, même si c'est très. Un petit peu, parce que il y a un petit côté autobiographique aussi dans ce personnage-là de Miyazaki. Donc, du coup, lui laisser Anno lui prêter sa voix, c'est un petit côté symbolique. Après, Donc, à voir, parce qu'il est quand même très attaché à Evangelion, et Evangelion, c'est quand même assez éloigné de l'esprit Ghibli. Oui. Donc c'est à voir. Je suis pas sûr que ce soit vraiment le meilleur choix. Ou alors justement, c'est peut-être faire des films très différents et essayer d'aller dans d'autres directions pour Ghibli. On me dirait, imagine un Ghibli en Evangelion, quoi. Ah voilà. Avec un Totoro géant et un vache. Non mais on l'a vu aussi avec Nadia et le secret de l'eau bleue. Oui, c'est sûr. Il est aussi capable de faire quelque chose un peu plus proche de ce que du style Ghibli, on va dire. De faire des vraies histoires d'aventure, quoi. Il fait d'autres choses, mais c'est vrai que là, dernièrement, ouais, Evangelion, très axé sur Evangelion. Mais en tout cas, s'il y en a un parmi tous ceux-là qui a la préférence de Miyazaki, je pense que c'est lui de très loin. Ouais. Bah, surtout par le fait qu'ils ont commencé ensemble. Bah, il a commencé ensemble, en tout cas, il a commencé sur le premier film avant même que ce ne soit Studio Ghibli, quoi. Donc, Oui, et puis ils ont toujours été très proches et Miyazaki le considère vraiment comme un des très grands animateurs, enfin des très grands réalisateurs du Japon. Donc oui, clairement, enfin pour moi, dans la tête de Miyazaki, c'est Anno le plus proche de lui, on va dire. Alors un autre réalisateur, mais qui a peut-être notre préférence à nous, en tout cas qui peut-être pour nous se rapproche davantage des thèmes évoqués par le studio Ghibli et par Miyazaki, c'est Mamoru Hosoda, qui donc on connaît notamment pour Summer Wars, pour La Traversée du Temps, pour Hame Yuki, et qui a quand même fait des films qui se rapprochent des thèmes évoqués par le studio. Il faut savoir quand même que lui, donc il a été recalé par l'institut de formation du studio, et du coup il a travaillé, il a fait ses armes en tant que réalisateur, en tant qu'animateur chez Toei. Et donc on l'évoquait tout à l'heure par rapport au Château Ambulant, parce qu'il était pressenti pour être, il était prévu pour être et réalisateur sur le film. Il a commencé à travailler dessus. Voilà. Et finalement, comme tu le disais tout à l'heure, c'est suite à des accords avec l'équipe créative finalement que ça ne s'est pas fait, et que c'est Miyazaki qui a repris le flambeau sur cette histoire. Alors pour vous, ça vous semble un vrai candidat crédible? Ouais, il est très crédible, il a vraiment... ce qui est bien, c'est qu'il a l'esprit Ghibli, mais en même temps, il arrive à se détacher pour tout avoir sa patte, en fait. C'est ça l'avantage. Donc je pense qu'il peut vraiment être un très très, très bon candidat. Et je pense que dans la tête de... Enfin, Suzuki aimerait beaucoup le faire revenir à Ghibli. Et si Anno, c'est le favori de Miyazaki, Hosoda, c'est pour moi le favori de Suzuki. Et il va, à mon avis, il veut vraiment le faire revenir, quoi. Après, c'est pas étonnant, vu que de toute façon, c'est lui le plus proche de l'esprit de Ghibli, donc oui. S'il veut essayer de garder ce charme qui fait la qualité du studio, à mon avis, il va être à fond sur Hosoda, quoi. Hosoda. Et puis, c'est son troisième film qu'il réalise. Il a déjà une grosse renommée au Japon et dans le monde. Et du coup, je pense qu'il a d'autant plus une crédibilité que les autres n'ont pas forcément, quoi. Ouais. Faut pas oublier aussi qu'il a réalisé, il a fait trois films, et c'est trois films qu'il a scénarisé, mais faut pas oublier qu'il a réalisé aussi, il y avait un film sur One Piece. Ouais. Donc, il y a même un film sur donc l'univers de Digimon, mais. Ouais, il y en a deux. Ça montre quand même qu'il a l'expérience des films d'animation, qu'il a pas fait trois films d'animation par accident, quoi. Donc c'est clairement c'est un, comment dire, c'est la valeur montante au niveau des réalisateurs ces dernières années au Japon, et c'est actuellement c'est une des valeurs sûres dans la réalisation de longs métrages. C'est il fait partie des tout meilleurs et des plus crédibles, quoi. Ouais, puis il a déjà la réputation d'être le successeur de Miyazaki. Enfin, dans l'esprit de beaucoup de gens, oui, il a déjà sûr. Cette image. C'est comme ça qu'on le présente, notamment en France. Ouais. C'est vrai. Autre candidat, alors lui, c'est un pur produit de la maison, si je puis dire. C'est Hiromasa Yunebashi, puisqu'il est rentré chez Ghibli en 96 en tant qu'intervalliste. Alors il a aussi été intervalliste sur Jinro, la brigade des loups. Mais voilà, il a travaillé sur les principaux films du studio. Il a été animateur clé sur Le Voyage de Chihiro. Il a été co-directeur d'animation sur Les Contes de Terre-Mère. Et il a été donc réalisateur sur Arrietty. C'est également lui qui réalisera le prochain film du studio, donc Rojo no Ito. Et pour le coup, voilà, là on est vraiment dans quelqu'un, c'est quelqu'un avec quelqu'un, pardon. Qui a monté les marches petit à petit, qui a fait son petit bonhomme de chemin et qui a montré qu'il pouvait travailler sur plusieurs projets, que ce soit au sein du studio Ghibli, que ce soit en dehors du studio Ghibli. Et pour le coup, même si on ne le connaît pas du tout, finalement, l'histoire qu'il a et le passé qu'il a avec Ghibli en fait un candidat sérieux. Sur la production du film. D'ailleurs, il sera, comme je disais tout à l'heure, il sera le réalisateur du prochain film du studio prévu pour 2014. Donc, pour le coup. Et ce qui est important sur ce film, c'est Suzuki l'a bien précisé, c'est que sur Arrietty, quand il a réalisé le film, Miyazaki était presque co-réalisateur dessus, il était extrêmement impliqué dans le film. Et d'ailleurs, ça se ressentait énormément, puisque il y avait cette touche Miyazaki, mais on a reproché beaucoup au film de pas avoir son âme, on va dire. Et là, sur Rojo no Ito, enfin, ce qu'on suppose être Rojo no Ito, Suzuki a bien précisé que Yonebashi serait le seul réalisateur et serait le seul aux commandes du film. Donc c'est aussi un signe que Miyazaki prend bel et bien sa retraite et qui laisse un peu faire les nouveaux réalisateurs, on va dire. Et c'est oui, et puis voilà, c'est une preuve de confiance très très forte qu'on lui donne là, quoi, parce finalement il a été réalisateur avec Miyazaki, donc ça veut dire que il a quand même les épaules peut-être pour être réalisateur tout seul sur celui-là, et puis il sera pas, voilà, il y aura aussi un producteur avec lui pour l'aider, pour le guider aussi dans la réalisation du film, quoi. Un autre réalisateur, j'ai presque envie de dire maison aussi, qu'on connaît pas forcément. On connaît peut-être l'un de ses films qui s'appelle Le Royaume des Chats. C'est Hiroyuki Morita, donc Le Royaume des Chats qui était réalisé au sein du studio Ghibli également. Alors lui, c'est pareil, il a été animateur clé, il a été storyboarder notamment sur Kiki la petite sorcière, il a travaillé sur Mes voisins les Yamada, sur Les Contes de Terre-Mère, vraiment il a eu il a fait aussi énormément de choses, et il a un CV très important chez Ghibli, même si ça l'a pas empêché de travailler sur d'autres séries, je pense notamment à la série de Satoshi Kon, Paranoia Agent, qui est une très bonne série en 13 épisodes, qu'il faut voir. Et pour le coup, voilà, c'est un. Même si Le Royaume des Chats n'était pas forcément un film. C'est un film intéressant, quoi, parce qu'il y a des chats, forcément. Mais pour le coup, il était peut-être en dessous de la qualité qu'on connaît d'un Ghibli, en tout cas à l'époque, au moment où il est sorti. Je sais pas ce que vous en pensez, les uns les autres. Hein. J'ai pas Moi, vu le royaume des chats. j'ai pas vu non plus. Donc, je peux pas te dire du mal. Oui. Alors, déjà, vous voyez déjà, le design dénote complètement par rapport au reste de la production. Ouais, j'avais déjà vu des images, effectivement, il y a une grosse différence. Ça change. Même l'histoire, pour être franc, j'ai pas non plus énormément de souvenirs parce que j'ai vu il y a un petit moment de ça, mais l'histoire n'est pas plus marquante que ça, quoi. Parce qu'en fait, c'est l'histoire, c'est une fille qui a un chat, et en fait, son chat est le prince du royaume des chats. Et donc tout commence avec ça, et le chat va faire venir la fille dans son monde parallèle. Et toutes les histoires, tout, et l'histoire va se lancer à ce moment-là, quoi. Mais là encore, on va dire, c'est une décoration maison. Je pense, qui peuvent être très importantes et très déterminantes pour la suite du studio, quoi. Et c'est pareil, encore une fois, on parle de noms qu'on ne connaît pas forcément, mais finalement, l'historique qu'ils ont est suffisamment important pour montrer qu'ils sont légitimes au poste qu'on leur propose. Et ça n'empêchera pas, même si là, pour 2014-2015, les projets lancés sont partis avec d'autres réalisateurs, que par la suite, ils retrouvent aussi un poste important sur des productions au sein du studio Ghibli. Des choses à rajouter par rapport à cela Non, rien de Non. spécial. Alors on va finir sur deux derniers réalisateurs. Alors il y en a un, je me suis permis de le mettre, il n'est pas. En fait, là encore, c'est pareil, il est connu par rapport aux œuvres qu'il a fait, mais pas par rapport à son nom, puisqu'il s'appelle Michael Arias. Donc c'est un Américain qui vit au Japon depuis qu'il a 24 ans, donc ça fait un petit moment, et il s'occupait, un de ses premiers faits d'armes importants, c'est qu'il s'occupait de la supervision de ce qu'on appelle l'Omnibus Animatrix. Donc Animatrix, c'était les 9 courts-métrages autour de l'univers de Matrix. Et à la réalisation de chaque court-métrage, il y avait un grand nom de l'animation, notamment de l'animation japonaise. On retrouvait notamment Shinichiro Watanabe, pardon, qu'on connaît bien, puisqu'évoqué dans la première mission avec Cowboy Bebop et également sa nouvelle série. Il y avait également Koji Morimoto qui s'était occupé, qui avait travaillé sur Memories. Ou encore Yoshiaki Kawajiri, connu notamment pour être le réalisateur de Ninja Scroll, une très très bonne série des années 90 d'animation. Et autre fait plus important, en fait, c'est le fait qu'il soit le premier occidental à se retrouver à la réalisation d'un film d'animation de grande ampleur au sein d'un studio japonais, ce qui est extrêmement rare, hein, et suffisamment rare pour être souligné. Alors en l'occurrence, c'était le studio, c'est 4C. Et le film, c'était l'adaptation du manga de Amer Béton, manga de Taiyo Matsumoto. Alors pour le coup, en fait, j'ai pensé à lui, parce que Amer Béton, ça virevolte, ça saute, ça danse presque au niveau de l'animation, au niveau de ce qui se passe à l'écran. Et c'est une des marques de fabrique aussi d'un Miyazaki, quoi. C'est Miyazaki, c'est un fan d'aviation, il aime les cochons aussi. Mais ça n'a rien à voir. Et pour le coup, on retrouve un peu ce côté liberté au sein, dans le film, quoi. Même si le film est quand même beaucoup plus sombre. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, Amer Béton, Ouais, tout à fait. Non. qui est un, bah, pour moi, je, voilà, qui fait partie des films qui sont pas très connus au niveau de l'animation japonaise et pourtant qui méritent vraiment Ouais, d'être après, vus. au J'ai niveau adoré psychiatre, personnellement. en France, il a quand même une certaine renommée. Oui, il a une petite réputation quand même. Ah oui, t'as vu Matsumoto? Non, Ah, Amer Amer Béton. Béton. Ah, le manga, oui. Et c'est vrai que je pense aussi au mangaka qui a été pas mal édité en France, hein. Je pense notamment il y avait Number 5, il y avait aussi un manga sur le ping-pong. Mais oui, c'est vrai qu'Amer Béton, là, Amer Béton est disponible chez Tonkam dans une très belle édition en hardcover. Avec le manga dedans, ouais. Tout Je à me fait. souviens. Donc voilà, après, ça fait longtemps. Le point négatif, c'est que ça fait longtemps qu'il n'a pas réalisé de film. En tout cas, qu'il n'a pas travaillé sur des grosses productions. Et pour le coup, ça serait difficile de le mettre, je trouve, de l'entrer dans le moule du studio Ghibli, quoi. C'est pas forcément le nom qui arrivera en tête, mais ça dénote aussi, c'est un occidental qui a réussi au Japon, ce qui est pas évident pour un pays qui est quand même qui travaille beaucoup, qui travaille pas forcément En avec, vase clos. oui, voilà, qui travaille en vase clos, exactement. Mais ça peut être une idée sympa, notamment par rapport à ce qu'il avait fait sur Amer Béton. Alors, dernière proposition proposée notamment par Chronos, c'est Makoto Shinkai. Makoto Shinkai, il a réalisé. Alors, c'est un réalisateur qui a travaillé avec très peu de moyens, notamment sur. Alors, la tour au-delà des nuages, il avait quand même un peu plus de moyens, mais il avait commencé avec des petits courts-métrages où il travaillait quasiment tout seul, notamment sur 5 cm par seconde. Et il a réalisé un film, donc Le Voyage vers Agartha, qui était sorti chez nous directement en DVD. Et s'apprête aussi à sortir un moyen-métrage, Le Jardin des Mots, qui devrait sortir aussi en France, mais en passant uniquement par la case DVD. Alors, Qu'est-ce qui t'a fait penser, Chronos, au fait que qu'il peut être un réalisateur qui compte sur au sein du studio Ghibli dans les années à venir? Bah après c'est surtout, enfin, je sais que j'avais déjà vu La Tour au-delà des nuages il y a un petit moment. Bon, le style était un petit peu plus long, il était très très cinéma d'auteur. Mais le dernier, Le Voyage vers Agartha, il y a vraiment un côté très Ghibli, très Nausicaa, très Mononoké dans l'esprit, avec des animaux un petit peu fantastiques, et une ambiance très particulière justement. Et, enfin, moi, ça m'a vraiment rappelé le cinéma de Ghibli avec la patte de Shinkai en plus. Et c'est vrai que pourquoi pas, enfin dans les candidats en tout cas, c'est vrai je pense qu'il aurait sa place. En plus d'apporter sa petite touche personnelle, quoi. Et tu en as vu, toi, Tuntun, des films de Makoto Shinkai ou J'ai tu. vu deux, trois courts-métrages. Et y a ce côté très lumineux dans sa patte qui est assez étonnant. Et qui, de ce point de vue-là, ça contraste pas mal comment dire, avec ce qu'on a pu voir du studio Ghibli. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, de ce que j'ai vu, il a une touche qui pourrait justement apporter au studio, quoi. Et c'est un réalisateur qui a. C'est pareil, c'est quand même un nom relativement connu. Il a déjà une bonne réputation et il lui manque peut-être juste un palier à passer, et c'est peut-être au sein de Ghibli qu'il pourrait le passer et faire de très grands films. Donc ouais, pourquoi pas. Après, dans le style de son film, c'est très très informatique, en fait, dans les couleurs. C'est des couleurs très numériques, et comme Ça fait. Ghibli est très traditionnel, en fait, peut-être que c'est ce qui collerait pas justement avec le désir du studio et de Ah, Miyazaki. peut-être, ouais. Donc C'est c'est à vrai que voir. ça me fait penser un peu à Benjamin, Oui, c'est vrai, l'artiste ouais. chinois, qui est pareil. Ils ont un travail sur les couleurs assez Ouais. similaire, je trouve. Au niveau des couleurs, ouais, c'est assez proche. C'est très vif, hein. Et très technologique, ouais. Justement, Oui, comme tu ouais. disais, Chronos, c'est peut-être ça qui fait que, enfin, qui éloigne un peu trop Ghibli de, enfin, Shinkai de Ghibli. Alors, on a fait quand même un tour d'horizon assez important en termes de réalisateurs, hein, parce qu'on a vu pas moins de 8, 7 réalisateurs, pardon. Tu comptais sur tes doigts en même temps On comptait sur les doigts, ouais, j'ai eu un peu de mal là-dessus. Alors, du coup, vous, comment est-ce que vous voyez, parce qu'on a vu la période de Ghibli avec Miyazaki. Là, on a essayé d'esquisser ce que pourrait être le studio Ghibli sans Miyazaki. Et du coup, comment est-ce que vous voyez l'avenir du studio, vous, Tuntun? Bah, c'est pas évident parce que c'est vraiment. Donc on a parlé beaucoup de Miyazaki, mais il y a aussi Takahata qui devrait normalement être là à sortir son dernier film. Il y a peu de chances qu'on voit un nouveau film de sa part. Et c'est vraiment les deux réalisateurs emblématiques du studio. C'est eux qui ont porté le studio pendant tant d'années. Et le problème, ça va être de trouver quelqu'un qui soit dans la lignée de ce que les deux ont fait, mais avec un style différent. Et c'est vraiment pas évident à trouver. Il faut quelqu'un qui ait suffisamment de caractère pour s'affranchir de ce qu'ont fait les deux et d'apporter quelque chose de nouveau à Ghibli, parce que si c'est pour faire du Miyazaki, c'est pas la peine, ça marchera pas, parce que il y a qu'un Miyazaki, il y a que lui qui sait faire les films comme il les fait. Et justement, faut s'éloigner un peu de Lino Coquelicot et d'Arietti pour trouver quelque chose d'autre. Et du coup, moi, enfin. Pour moi, Osoda, c'est vraiment le réalisateur du futur pour Ghibli, quoi. C'est vraiment lui que j'aimerais voir à la tête du studio. Et toi, Chronos? Bah, je rejoins un peu Toon. C'est vrai que le. Disons que il faut pas qu'il cherche à copier Miyazaki. Après, malheureusement, j'ai l'impression que les producteurs qui sont là-bas, pour garder le succès, ils veulent justement trouver quelqu'un qui soit capable de refaire l'exploit de Miyazaki et d'avoir le même style. Après, des gens comme Hosoda, au final, je serais très content qu'ils aillent chez Ghibli, mais ils font des choses tellement bien déjà sans Ghibli que. que s'il y entre qui sort faudrait pas qu'il se retrouve formaté ouais c'est ça c'est que j'ai peur que s'il arrive chez Ghibli en fait il soit trop contraint à faire des choses qu'il aime pas forcément mais je pense que vraiment pour que Ghibli ait un second souffle il faut qu'il trouve quelqu'un qui ait vraiment sa patte et qui sorte un petit peu de la tradition Ghibli quoi mais c'est pas évident et même au niveau du grand public ça va pas être évident parce que Ghibli c'est quand même c'est quelque chose Miyazaki. D'unique. Ouais, c'est Miyazaki donc ça et va pas être il évident. Suffit de voir les films de Takahata qui ont pas été les derniers n'ont pas été des succès aussi importants que les films de Miyazaki et pourtant Takahata c'est vraiment dans le studio, c'est autant que Miyazaki, et pourtant, dans le monde, Miyazaki a une place prépondérante dans parce qu'il a fait dans plus le de studio. Films aussi, hein. Donc, il a fait plus de films, oui, mais Takahata a fait des films vraiment très marquants pour, dans l'histoire du studio, Le Tombeau des Lucioles, Pompoko. Là, je pense que son dernier film va être pareil, très très important parce que. Lui, il tranche complètement avec ce qui a été fait avant par le studio. Il va vraiment très très loin et c'est pareil. Alors, Miyazaki se plaignait plus ou moins de ça dernièrement dans les toutes dernières interviews qu'il a données au mois de septembre, où il disait que le film de Takahata a mobilisé en fait tous les meilleurs animateurs intervallistes du. Du studio. Du studio et puis du Japon et qui il était un petit peu jaloux de ça et ce que le film de Takahata là va être peut-être justement le tranchant qui va faire le renouveau du studio en fait parce qu'il coupe vraiment avec ce qui a été fait avant. Il va dans une direction complètement différente et il va très très loin de ce qu'on en sait et du coup c'est peut-être ça qui va amener justement ce renouveau du studio et en plus Chronos tu parlais des producteurs Suzuki justement il est en train de laisser lui aussi la main il est un poil plus jeune que Miyazaki et Takahata, mais il commence aussi à avoir de l'âge, et on le voit là sur le film de Takahata et sur le prochain de Yonebashi, c'est Nishimura qui produit, et de ce côté-là aussi, je pense que le renouveau passe aussi par de nouveaux producteurs. Et moi je pensais aussi à ça, du coup, le départ de Miyazaki, est-ce que ça permettrait pas non plus à une nouvelle génération d'émerger? La réalisation, alors que ce soit des gens venant de chez Ghibli, même d'autres, sachant qu'il y a peut-être aussi pour le public, voilà, il y avait forcément Miyazaki, on va peut-être pas beaucoup voir de films au cinéma, mais du coup on sait que Miyazaki c'est une valeur sûre. Donc est-ce que ça permet pas non plus de voir émerger cette nouvelle génération qui peut être très très intéressante, comme l'est notamment Makoto Shinkai, puisque finalement lui il est pas vieux, mais il a 40 ans, quoi. Donc c'est ça fait partie de ces jeunes qui peuvent émerger, d'avoir, on va dire, un peu plus d'impact encore sur le cinéma japonais, le cinéma d'animation japonais. Même si je pense de toute façon que Studio Ghibli gardera toujours un impact, ne serait-ce que par son nom, sur les futurs succès de ces films. Et à mon avis, il y aura toujours un intérêt de la part des Japonais pour aller voir les films de Ghibli, mais je pense dans le même temps que ça permettra aussi d'offrir aussi à d'autres réalisateurs une reconnaissance, en tout cas un rayonnement plus important que ce qu'ils ne peuvent prétendre aujourd'hui. Après, c'est vrai que les jeunes réalisateurs, le problème avec Ghibli, c'est qu'ils sont très conservateurs. Donc, à mon avis, les jeunes animateurs qui bossent à Ghibli, s'ils ont envie de faire leur propre film, je pense qu'ils vont juste quitter Ghibli et faire comme Shinkai ou Soda et faire leur propre film. Exactement, pour après, pourquoi pas revenir au studio, mais en tout cas, voler de leurs propres ailes. Pour commencer, des choses à rajouter sur ce dossier, messieurs? De mon côté, moi. Non. Bah, parfait. Mais du coup, ça va nous permettre de conclure cette émission et puis de vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée. En tout cas, on espère vous avoir donné envie, par rapport à toutes les références qu'on a pu citer en termes de films, vous donner envie de regarder, de voir les travaux de différents réalisateurs japonais qui ne sont pas les plus connus mais qui ne sont pas les moins talentueux non plus. Donc voilà, on vous souhaite j'oubliais. Tant que j'y suis, parce que on parle de Miyazaki, on parle de Ghibli. Pour ceux qui ont la télé, ça concerne pas mal de monde. Il y a Arte qui rediffuse des films du studio. Exact. Alors ça commence le 23 octobre, donc mercredi prochain, avec Princesse Mononoke. Donc qui sera diffusé le 23 octobre à 20h50, qui sera rediffusé le mercredi 30 octobre à 13h35, et ce même 30 octobre, sera diffusé Porco Rosso, toujours à 20h50 sur Arte. Le meilleur. Voilà. Et qui a pas connu, qui avait connu un peu des difficultés parce qu'il avait été édité. Il était passé au cinéma un peu inaperçu, c'était Studio Canal, je crois, qu'il l'avait sorti, mais sans plus de conviction que ça. Et on sait également qu'Arte a acquis Ponyo sur la falaise. Et par contre, le film ne sortira qu'au mois de janvier 2014, mais déjà, préparez votre mois de janvier, parce qu'en plus, Ponyo, c'est un film récent, et c'est sympa de le voir sur Arte. Arte l'avait déjà fait, un cycle Miyazaki en diffusant, il me semble, même tous les Miyazaki. Il y avait eu Nausicaa, il y avait eu Le Voyage de Chihiro, il y avait eu Kiki la petite sorcière, Porco Rosso, j'en passe et des meilleurs. Donc c'est une bonne façon aussi d'en profiter, de regarder à la télé, parce que c'est suffisamment rare pour être souligné, et c'est une belle initiative qu'a pris Arte de rediffuser ces films-là. Et tant que j'y pense, il y a aussi donc c'est Disney qui a annoncé que Porco Rosso sortirait en Blu-ray le 8 janvier 2014. Et donc continue à rééditer les films Ghibli en Blu-ray. Et il y a des chances que, puisque les précédentes livraisons, la dernière c'était Totoro et Kiki la petite sorcière. Et un autre, je sais plus lequel, mais il y a trois DVD qui étaient sortis en, trois Blu-ray qui étaient sortis au mois de juillet, et du coup, là il y a des chances que Porco Rosso ne soit pas le seul à sortir le 8 janvier prochain. Voilà, c'est une bonne nouvelle en tout cas pour revoir en belle qualité ces films-là. Et bien voilà, on va vous souhaiter à tous et à toutes une excellente journée, une excellente soirée, quel que soit le moment auquel vous écoutez cette émission. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour la troisième session de Celluloid. À bientôt. Salut. Salut. Et pour ceux qui sont restés après le générique, si vous avez bien suivi la première émission, bah on repart sur cette nouvelle séquence post-générique avec la présentation d'un nouveau court-métrage qui s'appelle Car Park. Un court-métrage assez comme son nom l'indique, qui est court. Et réalisé donc par Bird Box Productions, un petit studio londonien. Je vais vous laisser présenter ce court-métrage. Alors Car Park, donc c'est du studio Bird Box Studio, un petit studio londonien comme l'a dit Romain, qui fait pas mal de publicité, et puis de temps en temps ils font des petits courts-métrages très très drôles. Et du coup le dernier Car Park, c'est l'histoire d'un mec qui revient de faire les courses et qui retourne à sa voiture et qui se retrouve justement à côté de lui avec un chien qui aboie contre lui dans la voiture, et justement il va commencer à le provoquer et il va arriver des petites choses, et je vous laisse découvrir la suite. C'est très très marrant et c'est sur YouTube. Ouais, c'est sur ce qui est sympathique, c'est en plus c'est sur un seul plan quoi, donc c'est très simple et très efficace. Ouais. C'est juste un plan et tout est dit en fait, tu as besoin de paroles, ouais. Et c'est vraiment vraiment excellent. Il y a tout. Ça joue, ça s'amuse et ça finit mal, mais on ne dira pas pour qui. Et même on lance, donc le film, le court-métrage est visible sur YouTube, également sur le site Bird Box Productions, donc du studio. On vous mettra de toute façon tous les liens dans le texte du podcast. Bon, voilà, je vous souhaite à tous et à tous une bonne soirée, une bonne journée, et en vous souhaitant, en vous disant à une prochaine fois, à bientôt. Salut. Salut.